Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Ah! Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok, vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. À tous les postes, soyez prêts pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis. Et oui, mesdames et messieurs, une autre grosse émission de Puissance Maximale cette semaine. Mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là. Et je suis accompagné de M. Andrew Castegan à la technique, chronique, nouvelle, roue. Comment ça va, Andrew? Ça va très bien, en train d'ajuster le son des micros. Ouais, c'est assez malade. Hein? De semaine en semaine, on n'a pas les mêmes résultats dans nos oreilles. Non, toi, c'est pas si pire. C'est moi qui n'ai pas au même niveau. OK, mais ça sonne très bien sur Internet et sur le podcast habituellement. C'est vraiment dans nos oreilles et nous, en studio, qu'on a... ça sonne, en tout cas. Moi, j'avais peur de ne pas m'entendre. C'est réglé. Non, ça sonne pas à peu près. Hein? Et là, la voix que vous entendez, c'est M. Éric Lajeunesse, notre chroniqueur bière et jeux. Comment ça va, Éric? Ça va très bien. Et là, on va parler bière cette semaine et on va parler de quelle bière? Veux-tu vraiment que je la prononce? Non, est-ce que ton allemand est aussi bon? Non, pas du tout. La Der Drakenorden, l'Ordre du Dragon. Ah, ben, c'était pas si pire. De quelle microbrasserie? De la microbrasserie Kronen. Et voilà. Merci beaucoup, Éric. On va goûter à ça tout de suite après la première chanson. Yes. Et aussi, on va avoir un invité aujourd'hui à l'émission. On va parler jeu, bien évidemment, parce que vous êtes à Puissance Maximale. Et on va recevoir monsieur, là, le nom m'échappe, le Martin Caron, voilà, qui va venir nous parler du jeu Chill. Donc, le jeu de rôle Chill, on va parler de ça tantôt. Vous allez voir, moi j'ai trouvé ça drôle comme histoire, en fait. Un jeu qui était possédé par une compagnie, maintenant c'est un gars de la région qui a ça entre les mains. Donc, on va parler de ça en deuxième heure, par exemple. Et là, évidemment, on va parler de nouvelles ludiques. Mais avant tout, on vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Vous pouvez aller écouter nos anciennes émissions, podcasts, entrevues et autres. On vous invite également à aller sur notre Facebook, à aimer notre page, vous appuyez sur le bouton « J'aime » parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs, mais en même temps, ça vous permet d'avoir plus d'infos exclusives, rapides, là, sur l'émission de la semaine, aussi quand les podcasts sont mis en ligne, et aussi quelques pauses comme ça qu'on fait durant la semaine de nouvelles ludiques qu'on voit passer là, durant puis, la... Des fois, il y en a que c'est M. François Gécouillard qui le fait, le légendaire. Oui, le grand Manitou de Puissance Maximale là, qui agit comme ça encore dans l'ombre et qui nous envoie toujours des nouvelles très intéressantes d'ailleurs. Il nous en a sorti une cette semaine, là, je vais aller la chercher. Vous allez sur notre fil Facebook, là, la nouvelle s'appelle « La grande illusion de Super Mario World ». Vous irez lire ça, très, très intéressant. Et on vous rappelle en même temps qu'il y a une page Facebook pour CJMD 96.9 à Lévis. Allez l'aimer, parce que c'est la station qui nous accueille. On est une équipe, il y a une super équipe à CJMD. On vous rappelle qu'évidemment, station à Lévis, ça vaut la peine de la suivre. Puis en plus, une station qui fait des bonnes actions, parce qu'il y a une levée de fonds vendredi cette semaine, le 25 octobre. En plus, ça va très bien, la publicité que je vois avant qu'on rentre en nombre, ben c'était à propos de ça. Et voilà. Et ça va être 15h à 21h aux Galeries Chagnon, ici à Lévis, en collaboration avec Alliance Jeunesse Chute de la Chaudière. En fait, le principe, c'est qu'on ramasse des sous et des vêtements usagés, surtout des vêtements d'hiver là, pour les enfants démunis. C'est sûr que l'argent, c'est toujours bien, parce qu'il y a des bottes usées de 3 ans, c'est toujours moins chaud que des bottes neuves. C'est que si vous avez des sous là, à donner, profitez-en. Il va y avoir des artistes qui vont être présents également. Vous pouvez justement, là, vous voulez avoir toute l'information, allez sur la page Facebook CJMD 96,9 Lévis. Vous allez trouver ça très facilement. Et voilà, donc voilà l'émission qui va avoir cette semaine. Et on vous rappelle aussi, le 2 novembre prochain, je le dis tout de suite parce que j'ai toujours peur de l'oublier pour les événements ludiques et de ce genre-là. Il y a le party d'Halloween du magasin Fanamanga à Québec. On va essayer de vous trouver l'événement et vous mettre ça sur la page Facebook, bien sûr. Oui, Andrew va s'occuper de ça pendant que j'en parle. En fait, party... Tu délègues tout le temps. Tout le temps. Ben, c'est ça qu'on fait quand on est animateur. donc, party qui est organisé par la gang de Fanamanga à Québec. Fanamanga, pour ceux qui savent pas, c'est quoi? Magasin axé sur le Japon. On y vend du manga, de l'anime, des vêtements, de la nourriture, salle de karaoké, des plus impressionnantes. Donc, il faut toujours passer par Fanamanga à la base. On vous rappelle qu'on est fan des onigiri qui sont vendus là-bas, Mopi Andrew. Mais ils font un party spécial. Ce ne sera pas dans les locaux du magasin parce qu'ils attendent trop de monde. Donc, ils ont fait ça ailleurs. Là, on va vous poster l'événement sur la page Facebook de Puissance Maximale pour que vous sachiez où est-ce qu'il faut vous rendre. Mais bref, thématique zombie, c'est... À la mode. Ouais, c'est à la mode, donc vous pourrez vous y présenter des prix. Je ne sais pas s'il reste des billets en pré-vente, il y avait des billets en pré-vente et ça vous donnait un bubble tea gratuit. Donc vous vérifierez sur l'événement. Puissance maximale, on va essayer d'aller faire notre tour, bien évidemment, parce qu'on aime les gens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de Fanamanga. On adore les deux propriétaires, Sonia et Jenny, mais... Bon, je viens de le mettre, mais je vais l'enlever et le remettre parce que je viens de me rendre compte que j'ai fait une énormité en faute de français avant que Eric puis Michael te lapide sur place, t'exécute à l'aube, comme le veut la tradition. Donc voilà, vous y rendrez le 2 novembre. La gang de Puissance Maximale va tenter d'y être, bien évidemment. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des annonces du début de l'émission. Ça fait toujours pas mal, en fait. Et là, tout de suite, après la première chanson, on va revenir avec Eric pour parler bière. Donc, on va vous parler de ça tout de suite après la première chanson. Qui sera, j'ai ça sous la main, mon oncle Serge, un incontournable à Puissance Maximale. Et là, j'adore cette chanson-là qui est comme, moi, je pourrais dire ça, pas une mise en abîme, mais bref, à plusieurs niveaux là, dans cette chanson-là, parce que cette chanson s'appelle « Je chante pour les morons ». Donc Serge, en fait, qui avait écrit ça au lendemain d'une ligne ouverte qu'il avait fait sur une station de radio. Les gens l'appelaient pour lui donner des commentaires, pour lui faire des demandes, puis il a écrit ça au lendemain. C'est sûr qu'il trouve que Ido, qu'il doit avoir des fans qui sont morons, effectivement. Parce qu'il y en a dans tout le monde, n'importe quel artiste a des fans morons. Mais vous allez voir qu'il y va, évidemment, de sa langue vitriolique et de sa plus belle voix. Vous allez entendre mon oncle Serge. Donc, je chante pour les morons à puissance maximale sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis. CJMD FM. La musique. Vous en voulez? En voilà. La seule station sur la rive sud. Vous aimez ça? Ben, en voilà encore. Parce qu'on était bien de le voir au monticule. Chic, chic, chic, chic, ça va. Chic, chic, chic, chic, ça va. Et ça donne qu'on a les artistes d'ici aussi. Les talibés, ça les brille là. Le terrain sans pieds sur le Sterminator. On profite du content chaque soir au sort. La cerise sur le Sunday. Je suis content de mon ouvrage, mon métier. Je suis bien payé. Ouais, ben, c'est ça, hein. CJMD 96.9, la seule radio sur la rive sud. Oh, que c'est le fun! L'auditoire me téléphone! Drelin, drelin, premier appel! ça doit être un prix Nobel. Un brain, une sommité, un chirurgien hausse du scalpel. Hello! Ouais, c'est toi ça, mon oncle? Ouais! Comment tu fais pour être fucké? Appel numéro 2, c'est pas mieux. Appel numéro 3, on n'est pas sorti du bois. Appel numéro 4, je baisse mes défenses. Je me rends à l'évidence, je ne chante pas pour la crème. Je chante pour les M. Comme dans O, comme dans O le cours. R, comme dans redoubler. O, comme dans orthopédagogue. N, comme l'examen pas faisable. Le prof est chier, c'est pas comprenable. Je chante pour les M-O-R-O-N avec un S au pluriel. Je chante pour les moraux. Je chante pour les cons. Je ne chante pas pour le recteur de l'Université de Montréal. Je ne chante pas pour le chercheur en maths fondamentales. Je prends des hits, hits, hits pour les tweets, tweets, tweets. Je joue de la basse pour les derniers clowns et de la guette. Pour les petits pas vite, oui, je chante pour les moraux. Je suis considérablement et irrémédiablement cool. Jetez l'encre, voici l'île des cancres, voici le royaume des ânes. Si notre embarcation n'a jamais coulé, on en dira pas autant des habitants de cette contrée. Voici les calottes, voici les Cayman des routes, voici l'Eldorado, le pactole, voici le jackpot. Regardez-les se pommer devant nos pets. Ici, on va pouvoir enfin écouler notre camelot. Par les gargouillis les plus immondes, des sonorités les plus brunes. Passe sur cette île pour du Haydn. La moindre flatulence résonne comme du Proust. Dans les coquilles vides sur lesquelles on chope un poisson. Oui, je chante pour les barons. Je chante. Et qui porte des barniques, nique, nique, nique, nique, nique, nique. Je prends des hits, hits, hits pour les tweets, tweets, tweets. Je suis le Stevie Ray Vaughan de ceux qui portent des bonnets d'homme. La reine Elisabeth des alphabets, le héros de ceux qui ont zéro, l'ayatollah de ceux qui gagnent pas, le messie de ceux qui ont pas compris, le gourou de ceux qui échouent, le grand Raoul de ceux qui coulent, qui ont du trouble, qui redoublent et qui n'ont pas inventé la poudre. Oui, je chante. Je chante pour les morons. Je chante pour les cons. Je suis considérablement et inévitablement cool. Je suis Madame Folle et à tous mes voyages à Rouyn-Noranda, j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Je chante pour les morons de mon oncle Serge. Et là, mesdames et messieurs, il est temps pour nous de parler de choses sérieuses. Ben, le jeu, c'est sérieux, ça, on le sait, mais... Il est temps de parler de boissons. De boissons. Oui, de boissons. On va parler bière, mesdames et messieurs, comme on disait. On va parler de la bière... Comment elle s'appelle? L'Ordre du Dragon, Der Drakenorden. Voilà. Voilà, mon vous pouvez remarquer que mon... Ben là, en fait, quand on lit la description de la bière que je vais faire tout de suite, c'est peut-être pas de l'allemand, là, mais remarque que ça sonne comme ça. Donc, membre de l'Ordre du Dragon, Vlad Dracul, le père de Vlad l'Empaleur, servait en tant que commandeur chargé de la garde des passages de la Transylvanie vers la Valachie. Le surnom de Dracul, le diable en roumain, vient du latin draco, qui veut dire dragon. Donc voilà, c'est la seule description qu'on a sur cette bière. On n'aura pas d'indice à savoir quels arômes... Parce qu'on vous rappelle, mesdames et messieurs, que la chronique Accor, bière et jeu, on est des amateurs de bière. Hein? On n'est pas des sommeliers. On pourra pas vous dire qu'il y a quand même un léger arôme d'anis derrière une robe ambrée. On va vous dire, belle couleur, pas trop de brou. Ça goûte pas à marde. C'est ça, ça goûte bon dans la gueule. On va vous dire ça à peu près. Donc voilà. On essaye, là, mais ben, on va l'essayer. On n'est pas rendu là encore. On va l'essayer d'ailleurs. Santé, ouais. Santé aux auditeurs de Puissance Maximale et santé à M. Eric qui nous a amené ça. Je vous fais ça de loin. Ouais, c'est ça, parce que t'es loin de moi, Andrew. Mickaël, alors... reviens. Alors... « C'est un beau moment de silence. Ouais, non, c'est ça. On a fait un autre silence à la secteur 51. Non, mais c'est intéressant. Là, y a des... Non, mais d'habitude, quand les gars prennent le temps de goûter, ils font pas. On a quand même pris le temps de goûter. Une bonne amertume. Pas trop tannant, pas trop. C'est bizarre, moi, je la goûte pas, l'amertume, moi. Ah ouais, mais faut dire que moi, quand c'est trop amer, j'aime moins. Puis je sais que toi, ça te dérange beaucoup moins que moi. Ouais, je bois de la IPA, hein. Fait que... Je tripe pas sur la IPA. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pas mal moins tripeux IPA que la plupart des gens. C'est ça. Donc. C'est une bière qu'il faut apprendre à apprécier. Tout à fait. Non, ouais. C'est... j'en suis sûr. Mais franchement, je m'achète une caisse de 12 que je la boive tranquillement. Mais pour revenir à cette bière, écoutez. Il va être obligé de... Là, il faut que tu parles, Endo. Là, moi, je vais être obligé d'y regoûter. Ben, que... j'allais dire la même chose. J'essaie d'être sain parallèle avec autre chose, là, puis je cherche encore. En fait, j'essaie de décrire le goût, puis à part dire que c'est bon... Non, ça, c'est sûr, c'est une bonne bière. On peut toujours... c'est pas une bière légère. C'est quand même 7%. C'est quand même, oui, c'est ça. 7% d'alcool. Mais pour une bière forte, par exemple, elle a pas l'arrière-goût d'une forte. Non, mais l'alcool, t'en montes pas au nez. Là. Non, c'est ça. Tu goûtes pas l'alcool, tu sens pas trop l'alcool. Ben, faut dire qu'à 7%. Moi, quand on dit bière forte à 7%. Ben, c'est au début des forts. Ouais, c'est ça, c'est doux. Au début des forts. Sauf qu'on parle quand même d'une bouteille de 660 millilitres. Ouais, c'est sûr que si on boit ça. Consigné à 20 cents. Mais pas si. Merci, Andrew. Pas si on. Non, oui. On va boire. Ouais, c'est ça. Mais. Non, quand même. Donc, effectivement, bière ambrée forte, c'est ce qu'on. Justement, j'allais passer justement à la couleur. De cette bière ambrée. Pas lourde. Je la sens pas lourde. Non, c'est pas lourd pantoute. Non. C'est vraiment pas lourd. Pour une sorte... Les IPA, ça goûte, ça ressemble vraiment... C'est pas de l'IPA de fif, là, mais... De l'IPA, mettons, de l'IPA d'entrée, là, si on peut dire. Là. C'est pas lourd. S'il y a des IPA qui cognent, c'est lourd. Ça, c'est quand même léger. Mais c'est ça. Déjà, au niveau de l'amertume, moi, je suis pas du tout rebuté. Donc, c'est un bon signe pour moi. Non, c'est une bière qui se boit bien. Mais c'est quoi, là, tout le parallèle avec Vlad, là, c'est quoi? C'est du jus de Transylvanien? Aucune idée. Ben, en fait, je pense qu'on y va avec la thématique dragon, tout simplement, là. C'est quoi, là? Parce que le titre, c'est l'Ordre du Dragon. C'est peut-être l'ordre, justement, auquel appartenait le père de Dracula, parce que Vlad l'Empaleur, c'est Dracula, donc le comte Dracula de Bram Stoker. Mais donc, ce serait son père qui aurait fait partie de cet ordre-là, si je me fie à la bouteille. D'ailleurs, on juste vous dire que la brasserie Crouden, c'est une brasserie de Blainville, au Québec. On l'avait pas mentionné tantôt. Sur laquelle on n'a aucune espèce d'information, parce que j'ai pas eu le temps de me préparer. Non, mais on fait ça live, là. C'est ça. Excuse-moi, Eric. On a tous... faudrait que tu parles un peu plus proche de ton micro. Ah, tu m'énerves. Là, comme ça, c'est-tu mieux? Oui, c'est mieux. Ah. Merci, Eric. C'est drôle, il est dans ma bulle. Là. Ouais, ça, je peux pas faire grand-chose. J'ai plus de place pour boire. Il va falloir que tu tasses ta tête pour boire. Je sais pas, c'est peut-être moi qui ai l'impression, qui a une mauvaise impression. Je sais pas, je la trouve sèche. Je l'ai en bouche, j'ai pas un... Un petit peu. J'aime ça. Non, mais on peut pas dire qu'Eric est pas un gars professionnel. À chaque fois qu'on émet une hypothèse, il y regoute pour confirmer. Je sais pas pourquoi je me sens pas... Puis tu vois, moi, contrairement à la phylactère du mois passé, elle goûte pas l'eau. Non. J'ai pas un arrière-goût d'eau comme la dernière fois. Elle est, pour une 7%, elle est pas si lourde, mais c'est pas de l'eau, effectivement. Là. Non, c'est ça. Puis j'ai déjà goûté des ambrées qui étaient beaucoup plus lourdes ça aussi. Oui. Généralement, les ambrées, c'est des bières assez lourdes. Pas autant qu'une stout, là, mais t'es, c'est quand même une bière qui tombe dans l'estomac. Là. On parle, exemple, Corsaire, leurs ambrées, généralement, là, ils cognent. Ben, faut dire que moi, on avait parlé de stout à l'émission, on avait parlé de... La sans-d'encre. La sans-d'encre n'était pas lourde non plus, puis elle n'était pas forte non plus. Non. On avait un 5%. Là. Mais il faut faire attention. Hein. Souvent, les stouts sont pas fortes. Ouais. Souvent, c'est des bières légères quand même. Là, il y a beaucoup de monde qui font l'association, peut-être mauvaise, de bière noire, stout, égale beaucoup. À 10%. Beaucoup. Là. Mais ça, c'est tu vois, j'essayais de faire un parallèle tantôt. Là, si les gens connaissent un petit peu la Scotch Ale de l'alchimiste, ça ressemble à ça. Je trouve que ça ressemble à ça. Mais encore là, elle n'a pas le goût de scotch. Non, fait que... non mais on n'est pas loin. Il manquait le scotch, finalement. Mais je trouve qu'elle a un petit goût sucré sur quelque chose, mais je ne mets pas le doigt dessus. Attends un petit peu, J'adore ça, faire ce chronique là, avec vous autres. Là. On a bien du fun. Ouais, on fait ça bénévole, ça nous coûte des sous, mais mon Dieu qu'on a du fun. Parle pour toi, c'est moi qui ai payé. Non, c'est ça, toi, c'est toi le chroniqueur, c'est toi. Non, on travaille là-dessus, Eric. Ouais, j'espère, oui. Oh, oui, c'est ça. Ah, je sais pas, le sucre, non, je ne sais pas. Mais je sais pas, moi, je trouve qu'elle a comme un petit arôme sucré, mais c'est subtil, par exemple. Mais t'sais, quand tu prends la première gorgée, là, t'sais, sur le coup, je trouve qu'elle a un petit goût sucré avant de s'en aller vers le petit goût amer qu'on goûte. Là, je vais m'enculer parce que ce sera pas chic. Là. Un petit peu. Parce que là, Et voilà. Non, mais il faut ce qu'il faut pour goûter, là, Andrew. Je sais, mais je trouve ça très drôle. Mais non, mais en plus de pas être trop amer, justement, en bouche, à la base qu'on l'a dans la bouche, mais c'est ça kick pas dès le départ. Même si t'es loin, t'entends. C'est quand même moins pire que s'il était proche. Non, c'est ça. Mais... J'aurais aimé ça de l'entendre proche, par exemple. Mais tu peux t'abstenir. Oui, c'est ça. Le mois prochain. Non, c'est ça, on pensera. On fera un spécial, on l'annoncera. Un spécial dégustation d'une heure à faire des bruits de bouche. Mais non, je suis d'accord avec Andrew. L'amertume, moi, ça, je l'ai dit tantôt, pas trop importante, mais ça rentre pas. Ça vient pas tout gâcher. Mais tu vois, c'est vrai que le goût que je te parle, on dirait qu'avant que la petite amertume embarque, on dirait qu'elle a comme un petit goût sucré. Mais pas comme une bière qui a un goût de caramel. Tu sais, caramel, c'est plus prononcé que ça. Fait que je suis comme. C'est quoi le petit goût sucré qui apparaît avant que le. Puis, moi, avec la petite aération. Oh oui. Bruyante que je viens de faire, là. Je goûte un petit peu d'orange. Ah, peut-être. Ouais. Moi, une petite amertume. Ben, peut-être, moi, une petite amertume agrume. Oui, pleure ou, tu sais, je goûte un. Ouais, un peu de zeste d'orange, dans le fond. J'aurais tendance à être d'accord avec toi. Ouais. Je crois que je monte à faire ça, faire du bruit avec la bouche. Non, c'est parce que c'est assez bon là-dedans. Je bois du vin aussi à l'occasion. Bon, c'est ça, une complète trois pièces, ça se permet pas de faire ça. Ouais, c'est ça. Non, inquiète-toi pas. Là, écoutez, on parle de saveur, mais il y a toujours le côté ludique à ça, messieurs. Là, j'avoue qu'après quelques gorgées, l'amertume, on l'oublie. Sans farce, là. Non, c'est assez, ça reste pas accroché. Ça s'efface assez rapidement. Ça ne me dérangerait pas d'en prendre deux, trois comme ça. Puis, on joue à quoi? On joue à quoi avec ça? Ben, ça dépend. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je tombe sur la fameuse question de faire crime. On joue à quoi en buvant ça? Oui, mais là, ça dépend. Là. Mike vient de dire, j'en prendrais deux, trois faciles. Ça se pourrait qu'à rendu à troisième, tu joues pas à la même chose qu'à la première. Ouais, mais ouais, non, mais c'est une excellente question, ça, par exemple. Ça peut paraître niaiseux, mais moi, j'ai un titre qui vient d'apparaître dans la tête. Probablement que ça vous dira rien parce que vous avez pas joué, mais moi, je jouerais à Kingdom Hearts. Ah ouais? Ouais. J'ai pas joué, mais je sais c'est quoi, là. Non, mais c'est ça. Un petit RPG, là, me semble, là, ça se boirait bien là, en même temps. Entre nous autres, si on sait pas c'est quoi, il y a un problème en partant. Hein? Non, c'est ça. Mais non. Mais tu vois, moi, j'aurais tendance à dire... parce que, sans farce, là, plus les gorgées avancent, plus j'ai tendance à vouloir en prendre d'autres. Guitar Hero. Avec ça, sur ma table, une coupe de toune. Puis ça me dérangerait même pas de peser sur pause pendant la toune pour prendre une gorgée. Oh, OK. Ouais, parce que moi, je joue pas de drum là, à Guitar Hero, on s'entend. Moi, je joue de la guitare puis je chante. Là. OK. Donc, j'ai la possibilité d'avoir une bière proche. Là. Mm-hmm. Mais non, Guitar Hero, c'est une petite... Moi, là, party, j'amènerais ça pour starter... Parce que après trop de bière, là, je pense que l'amertume, elle serait trop importante, trop loin dans la soirée. Là. Ouais, j'avoue à Guitar Hero. Hein. On en parlait ensemble... Sur Internet l'autre fois. Ouais, que ça faisait longtemps que j'avais pas sorti mes guitares en plastique. Non, mais c'est ça. Être intéressant. Ouais, et moi, les jeux instrumentaux, moi, j'embarque pas là-dedans. Mais tu serais du service pendant ce temps-là, Andrew. Non, mais moi, c'est le simple principe qu'il faut que je me concentre trop pour jouer à ces jeux-là. Si bon, ouais, après trois bières comme ça, tu seras plus qu'à te concentrer pendant tout. C'est pas ça, je me concentre tellement fort, genre, ça me donne mal à la tête, si tu te rappelles chez toi les nombreux parties que tu sortais ça. Mais moi, je te dirais, t'es ARPG léger. Moi, je jouerais un ARPG léger. T'es comme Kingdom Hearts, t'es assez léger. Zelda. Des trucs qu'on n'est pas obligé de s'asseoir deux heures pour avoir du fun. C'est ça, mais en même temps, il n'y a pas d'énigmes trop compliquées. Fait comme ça, quand t'arrives à ta quatrième bière, t'es encore assez lucide pour continuer à avancer. On rappelle, mesdames et messieurs, que la bouteille est quand même de 660 millilitres. Après quatre de même... Si t'es capable marquant de faire des puzzles, c'est ça. Chapeau. Il y en a pas beaucoup dans Zelda puis dans Kingdom Hearts, fait que. Puis moi, étant, étant le rétro gamer que je suis, c'est léger, c'est de la bière. Dans ma tête, ça sonne tout de suite Tapper. Ouais. Ça me semble une séance intensive de Tapper, l'original, on s'entend. Hein? pas le Root Beer Tapper du Nintendo du NES, là. C'est le, mm-hmm. l'original. Là. Parce qu'on sait qu'on sait, on que rappelle qu'Eric est un gros fan d'arcade. Il semble là. Que Tapper, une veille de temps, ça pourrait faire la job. Ah ouais. Non, je vais être obligé d'être d'accord encore une fois avec notre chroniqueur. Sinon, Allez, ils sortent pas tous les jeux, là. On aurait pu, la. Non, mais une dernière, en fait. C'est niaiseux, là. Sûrement, c'est toi qui vas le dire, hein, mais. Ouais, je suis bien d'accord. Mais je jouerais à Sonic, moi. Oui. En buvant ça. Oui. Ah, mais tu vois, oui. Ouais. Mais je m'étonnerais vite, sais-tu pourquoi? Parce qu'à la base, moi, Sonic. Non, mais le Génération. Ah oui, oui, oui, j'embarque. 100%. Oui, oui. Moi, j'ai bien aimé la Génération. Puis ça, il se joue mieux. Je trouve qu'il se joue mieux. T'as une alternance classique, récent, là. Ouais. Il se joue pas mieux que les originaux. Il se joue mieux que... Dans mon cas, moi, oui. OK. Parce que moi, je trouve que Génération se joue mieux que tout... que tout, point. Qui... Tout, que tout ce qui est venu après le pseudo 3D qu'ils ont inclus, qu'ils ont sorti à ouais. partir du Dreamcast. Mais Sonic Adventure 1 et 2 étaient bien. Ah, je suis pas d'accord. Non, il était bien. J'ai pas dit qu'il était excellent. J'ai dit qu'il était bien. Ouais, mais là, Andrew, t'es pas vraiment une référence, là... Tu sais, mais je me souviens d'avoir été... un fanboy de Sonic. Je me souviens encore, tu sais, je déballe ma copie de l'original pour le Genesis. Ça sent le plastique, ça sent l'angle du livret, là. Puis c'est nouveau, on connaît pas ça, là. Puis ça torche. Moi, j'ai vécu ça, mais avec Sonic 3. OK. Le premier Sonic auquel j'ai rentré en contact, ça a été c'est Sonic 3. C'est sûr qu'il y a une différence d'âge puis de génération. Ouais, là, mais... ben on est quand même... C'est ça qui est le fun. Je suis plus vieux qu'Andrew. Andrew, c'est le plus jeune. Mm. Toi, t'as... rappelle-nous ton âge, Eric, si c'est pas indiscret. Là. 41 ans. Toi, moi, j'ai 30. Andrew a 25. Ouais. 5 ans, on a 10 ans avec toi. Ben, on a quand même des bonnes références, quand même. Là. Mais non, c'est le fun d'avoir ça, ce petit tour de table-là. Moi, c'est Sonic 2. Sauf que si tu bois à vitesse de Sonic... Oh, ben là, ça ira pas bien. Tu te rends pas loin. C'est ça. Ben, j'ai quand même une bonne capacité, messieurs. Non, tu te rends pas loin. Non. De toute façon, Sonic, moi... Après un demi-tableau... Même à jeun, tu te rends pas loin. Non, c'est ça, même à jeun. Mais j'aime quand même ça. Écoutez, mesdames et messieurs, il va falloir finir cette chronique-là. Donc, on parlait de la bière de la microbrasserie Kronen. Donc, la bière qui s'appelle Der Drakenorden, l'Ordre du Dragon. Vous pouvez trouver ça, chez n'importe quel de vos bons dépanneurs qui tient la microbrasserie. J'aimais bien... Biériste. Ouais, j'aimais bien aussi, là, dans le mot passé, on avait donné une note à la bière. Ouais, ben, moi, je répéterais ça encore. Alors, combien de dragons, messieurs, sur 10? Ben, un seul et 8. Un 8? Ah ouais? Ah, oui, un seul et 8, oui. Andrew? Moi, je suis plus généreux, je l'aime vraiment beaucoup, cette bière-là. Moi, je mettrais un 9. Ben, vu que je suis pas un gros fan d'amertume, j'aurais un 7.5. Mais en fait, elle perd un point. C'est mon côté universitaire. Là. Je donne des notes de marde, mais c'est une super note pareille. Ouais, elle perd un point au niveau du corps. Elle est un petit peu trop aqueuse. Ouais. Si elle est un petit peu plus sirupeuse ou visqueuse. Oui, mais il y a de là d'avoir des années, sa bouteille. Fait qu'à mon avis, il doit avoir des différences dépendamment de l'année de la cuvée. Ah ouais, tu vois ça, toi? Une 2012. Direct sur le logo, mon cher. Juste au-dessus du dragon, il y a un petit blason. Ouais, regardons ça. Avec un... Ouais, peut-être. Voilà. OK. C'est une bière de garde, une bière de réserve? À mon avis, oui. Faudrait creuser un petit peu, là. Moi, je serais tenté, là, puisque la puissance maximale, ça fait 6 ans, on s'entend-tu que ça finit pas cette année, là? Non. Je serais tenté d'en racheter. L'année prochaine. Prochaine QV. Puis attendre un an. Ah, ben peut-être vérifier. Puis de la réessayer plus tard. Peut-être vérifier, de toute peut-être façon. Peut-être commencer par valider si on peut faire une bière de garde ou de réserve avec ça. Puis effectivement, si c'est le cas, en racheter 3, laisser vieillir ça un an, puis... Mm-hmm. Je ferai ça l'année prochaine bon à même plan. Date. Ouais, moi j'accepte. Mais il faudrait se renseigner. De toute façon, on n'a pas, comme Eric a, pardon, Eric a dit, il est arrivé un choix de dernière minute avec cette bière-là, qui est un excellent choix. Mais on n'a pas voit eu le temps. Qu'il y a de l'œil, notre Ah oui, Eric, c'est pas pour rien que c'est notre chroniqueur. C'est il n'y a pas eu le temps d'avoir l'info. Peut-être se renseigner. Peut-être que c'est quelque chose qui marche puis qu'il y en a encore de la 2011 à quelque part. On ne sait jamais. Mm. Mais bref, se renseigner. On pourra peut-être vous mettre. Les informations sur le Facebook de Puissance Maximale. Écoute, je le valide, puis je reviens avec ça à la prochaine chronique. Excellent. Merci beaucoup, Eric, d'être passé avec la... Je le répète, parce que j'aime utiliser les langues germaniques, là, Der Drakenorden, de la microbrasserie Kronen de Blainville. Ça, là, ça jure un peu, là, mais bon. De Blainville, excellente bière. On a donc, pour Eric, un 8.5, Andrew, un 9, et de la part de Michael, votre animateur, 7.5. Donc, allez dans votre dépanneur, épicerie, spécialiste de bière, pour aller vous chercher ça. Donc, merci beaucoup, Eric, d'être passé. Et Eric va rester avec nous tout au long de l'émission pour, pour parler, parce qu'après la chanson, donc on va écouter, on va continuer à boire de la bière. Mais on va aussi parler de nouvelles ludiques. Et voilà. Mais avant toute chose, on va évidemment aller en musique. On va aller avec Z et ses disciples. Vous vous rappelez de Z et de ses disciples, ceux qui ont fait la chanson Puissance Maximale. Mais il y a un album complet. Il y a d'autres tunes que Puissance Maximale. Et on vous envoie non. La chanson. Mais oui. Je te crois pas. Et la preuve est qu'on vous envoie dans vos oreilles la chanson Caillou dans vos oreilles à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. Caillou, qu'est-ce que t'es devenu? Quand j'étais jeune, je regardais, puis tu jouais avec tes tout-tout-tout-doux. Tes tout-tout-tout-doux-tout-doux-tout-doux. T'es resté fidèle à toi-même, t'es devenu skinhead. Pas un seul poil sur le caillou, non? Il fait des graffitis avec ses crayons de couleur. Il écrit même l'alphabet à le bord d'un cercle. Il pose des questions naïves aux gens. Excusez, auriez-vous un peu d'argent? Les gens sont tellement habitués de le voir qu'aider que quand Caillou boit un café dans la rue, ben à côté le monde lui lance des scènes dans sa tasse de café. Ben on me compte chanceux, t'aurais un peu d'argent. Caillou, qu'est-ce que t'es devenu? Caché jeune, je regardais, puis tu jouais avec tes tout-tout-tout-doux. Tes tout-tout-tout-tout-tout-tout-doux. T'es resté fidèle à toi-même, t'es devenu ce qu'il est. Pas un seul poil sur le caillou, non? Il boit sa bière comme un biberon, son meilleur ami de compagnie se nomme Gilbert, mais ce n'est pas un chat, c'est un Rottweiler qui ne fait pas de câlin. Aujourd'hui à la maison, c'était plus toi le grand garçon parce que t'as plus de maison. Même si tu es grand, tu pleures quand même de temps en temps, ça ne dure jamais longtemps. Caillou, qu'est-ce que t'es devenu? Caché jeune, je regardais, puis tu jouais avec tes toutous. T'es tout tout tout tout tout tout tout tout. T'es resté fidèle à toi-même, t'es devenu ce qu'il est. Pas un seul poil sur le caillou, non. Tu as tout touché et tout essayé. Tu as du plaisir, tu n'as peur de rien. Mais apprends à t'arrêter, car tes parents sont loin. Chaque journée est une nouvelle aventure. Chaque journée est une nouvelle injure. Mais fais attention à toi, caillou. Parce que je voudrais pas te perdre. Caillou, qu'est-ce que t'es devenu? Quand j'étais jeune, je regardais, puis tu jouais avec tes tout-tout-tout-doux. Tes tout-tout-tout-tout-tout-tout-doux. T'es resté fidèle à toi-même, t'es devenu skinhead. CJMD 96.9, la seule station sur la rive sud. Bonjour, c'est Esteban des Cités d'Or. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, après celle de ses disciples et la chanson Caillou. Vous pouvez aller chercher d'ailleurs l'album gratuitement, mais on vous suggère donc de faire un petit don de 5$ au groupe, parce qu'il y a un nouvel album qui s'en vient. On les aime beaucoup, Z et ses disciples, justement, parce qu'ils font... J'aime bien les textes, moi, de Steve Z, justement. Là. J'aime bien ça. Prof de philo, d'ailleurs, au Saglac, qui fait quelque chose de différent. J'aime bien ça, moi. Donc, si ça vous intéresse, allez sur leur site, tapez Z et ses disciples sur Google, vous allez trouver ça facilement. Donnez-nous un petit 5$ pour l'album qui est présentement disponible, parce que le deuxième s'en vient aussi, donc, pour les encourager. Et on va aller en nouvelle ludique avec M. Andrew Castegan, et on va parler... d'une nouvelle, mesdames et messieurs, là, qui a révolutionné le monde de la technologie cette semaine. Ça se peut même pas. Ça, c'est fou, réel. Moi, j'étais sur le cul, un nouveau iPad. Voilà, on a fait la nouvelle. Bon, voilà, on va retourner en musique. On passe à autre chose. Bon. On rappelle aux gens qu'on n'est pas nécessairement des grands fans de Apple. On est capable de leur donner... Non, je m'excuse. Je suis le gars qui démonise le Apple. Et toi, tu as été le gars qui essaie de modérer mes propos lors de notre chronique sur les différents produits. Moi, j'ai dit... Moi, je suis le propriétaire d'un iPad et... Un iPad. Et d'un iPod Nano 6G. c'est quoi ton... moi, je suis propriétaire. Le Nano CG, c'est celui que tu peux transformer en montre, si tu veux. OK. C'est... Écoute, il faut leur donner quelque chose. Leurs cossins sont robustes. Ça marche. Même l'iPad? Oui, ça fonctionne. C'est robuste au jour 872 comme au jour 1. Mais ça coûte trop cher pour rien. Oui, c'est ça. C'est fermé. C'est, oh. C'est les critiques. Et moi, je vais sortir l'argument de taille, iTunes. Oui. Oui. Je déteste iTunes. Ben, iTunes est moins pire depuis, mettons, il y a un an et demi. C'est, tu te fais encore fister, mais plus la sec. Ils ont enlevé le sable. J'ai déjà dit que j'aimais les images d'Eric. C'est un petit peu moins violent. Non, mais ben, moi, je m'excuse, un logiciel qui dit qu'il synchronise les données, là, puis quelqu'un qui fait « Il manque une toune sur l'ordinateur, je vais wiper l'iPhone. » Hey, je m'excuse. Oh. C'est plus comme ça. Ça a changé. Hey, je m'excuse, il l'a encore fait depuis la dernière version. C'est quand même moins pire, mais... Mais moi, je continue à dire que c'est des... De base, c'est des bonnes machines, mais le problème, c'est que... Trop de contrôle au niveau du contenu. Pis... C'est hallucinant. Et le prix qui est... Oui, mais là, d'ailleurs, c'est fou raide, la question qui me vient en tête tout de suite, c'est comment les gens vont... Comment ils vont faire pour vendre des iPads, le nouveau iPad Air, qui s'appelle? Ouais. Puis le nouveau iPad Mini... Air encore? Ben, je sais pas. Non. Ben, en fait, on va embarquer dans la nouvelle. Ouais, ben vas-y. Ben... Aux pauvres types qui viennent de claquer 600$ pour des 5S. Ben, mais des 5S, il est plus mince, Eric. Tu comprends pas? Il est plus mince. Maintenant, il fit dans une demi-enveloppe. Ah, c'est ça. On se rappellera du MacBook Air. Oui, ben oui. De la quel argument. Moi, je capote. Ben, moi, voir une pub qui me dit il fit dans une enveloppe. Ah! J'achète. J'ai attendu toute ma vie. Pour avoir un portable. Mais par exemple, ça a marché. Parce que quand mon père. Parce que mon père a acheté un MacBook Air. La première chose qu'on a faite quand on est arrivé. On s'en sert à l'émission maintenant. Oui, c'est ça. La première chose qu'on a faite en arrivant. Ben oui, vous l'avez testé. On a testé voir si c'était vrai qu'il fitait dans une enveloppe. Et je vous confirme qu'il fit vraiment dans une enveloppe. Mais fait que vous n'avez pas besoin de l'acheter pour le savoir. Je vous le confirme. On a fait l'expérience scientifique. Mais. Ça serait le fun que tu nous parles. On parle, on discute, mais on aimerait savoir les specs, donc les spécifications mais de ce nouveau produit. On va premièrement parler du iPad mini, parce que c'est lui qui a le moins de changements. En fait, iPad mini qui est le iPad avec un écran de 7,9 pouces. En fait, ils ont sorti une nouvelle édition avec le fameux écran Retina, qui est dans le fond supposément l'écran le plus merveilleux de la planète. Fait que dans le fond, ils ont intégré ça sur la tablette et en même temps, ils vont profiter pour faire une petite nivellation au niveau du processeur pour le mettre avec la puce A7, qui est le nouveau processeur de Apple. Je vous rappelle qu'il est fabriqué par Samsung. Fait que... Pour vrai? Oui. Fait que... C'est bien drôle, ça. Fait que tout ça pour dire que... Je sais que je vais me faire des ennemis avec le propos que je viens de faire là. Mais après ça, l'autre annonce qu'ils ont faite, dans le fond, c'était le iPad Air, qui est dans le fond, on peut dire... Je trouve ça drôle parce qu'ils ont commencé avec le iPad 1, iPad 2. Après ça, ils ont mis le New iPad 2. Et là, maintenant, c'est le iPad Air. Fait qu'ils ont tout brisé la numérologie. Fait qu'on va dire le iPad 4. Donc, qui vient avec deux teintes de couleurs. On parle ici de Space Gray, qui est en résumé... Deux, j'avais lu quatre, moi, à un endroit. En fait, j'avais entendu à RDI. Moi, si je me fie au site de Apple, j'ai deux choix de couleurs. Ah, ben là, c'est Apple qui dit. Peut-être le mini avait quatre choix de couleurs, peut-être. Mais ça, je ne sais pas. Peut-être. J'ai pas la page ouverte. Il y a peut-être une couleur exclusive au Apple Store. Ah, peut-être. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a Space Gray puis Silver. En d'autres mots, noir et blanc avec des noms scientifiques. Voilà. Ouais, mais tu sais, tant qu'à avoir juste blanc, couleur, ils doublent leur choix de couleur. Oui, ben en fait, c'est non, noir, non, non, non. En fait, c'est que le noir, ils l'ont appelé Space Gray, ben, puis le blanc, ils l'ont appelé Silver. C'est noir pâle, puis blanc sale. C'est ça, exactement. Ben après ça, ben... On est tellement de bonne foi. Comme d'habitude, vous avez le modèle Wi-Fi et Wi-Fi cellulaire, donc dans le fond avec un fournisseur au Canada qui va vous rappeler que vous payez votre service beaucoup trop cher. Mm-hmm. Oh oui! Et après ça, vous avez capacité de 16 Go, 32 Go, 64 Go et 128 Go. Ça, c'est une nouveauté. Ça, c'est une nouveauté. Hey, 128 Go, c'est une tablette, c'est tellement essentiel. T'es juste pour vous donner une idée, la version Wi-Fi 16 Go, 499 $, et ça monte par tranche de 100 $ jusqu'à 128 Go. Et si vous voulez avoir la fonction mobile, cellulaire, la 16 gigs commence à 629 $. Ouch. Et se rend jusqu'à 929 $ pour la 128 gigs. Tu sais, j'aimerais ça pouvoir acheter un 16 gigs puis mettre une micro SD de 64 ben oui. dedans. Mais c'est pas possible. Donc, il y a beaucoup de produits d'autres que de la tête, Samsung le fait. Ouais. Effectivement. Comme pour ces téléphones, d'ailleurs. Mais que je lance ça. Éric, on devrait pas parler d'Apple quand on boit de la bière. On devrait pas juste besoin. Pas parler d'Apple, c'est non, c'est ça. Pas vrai. Non, on donne des nouvelles. Écoute, on est une émission techno. Oui, c'est ça. Et en même temps, on est une radio d'opinion. Fait que tout ça pour dire que, dans le fond, vous avez le fameux écran de 9 pouces, donc approximativement 10 pouces. Retina, bien sûr. Ben, Andrew, tu viens de dire 9 pouces, approximativement... Non. Ben, c'est 9.4. Ça dépend si... Ah, OK. Tu dis pas 9, tu dis 9.4. D'abord, je vais dire 240 mm. C'est correct, ça. Bon. Comme ça, personne ne va savoir à quoi ça ressemble. Numéro 1. Et l'appareil pèse 1 livre et est équipé, bien sûr, du fameux processeur A7 fabriqué par Samsung. Moi, ma question, c'est les modèles qui sont disponibles avec ou sans l'antenne cellulaire. Mm-hmm. Les modèles qui l'ont sans, mm-hmm. est-ce que c'est juste parce que c'est désactivé puis ils ont l'antenne pareille? Ça, c'est un grand mystère de la vie. Hein? J'ai comme le... je sais pas. Je pose la question. Ben, si ben, on au, suffit... niveau du casing, le casing est différent. Ah ouais? Oui, ça, je peux te, le certifier. Le casing est poids, vraiment différent. Même le poids est différent. Il y a 0.05 livres de plus pour la version cellulaire. Logiquement, on pourrait y aller pour si on, que... si on fait la différence, c'est exactement, précisément le poids d'une antenne cellulaire. Parce que depuis la première génération de iPad, le casing est différent. OK. Bon, ben, j'ai... J'ai mes réponses, puis... Non, mais là, je te dis pas qu'il n'y avait pas dedans avec un casing différent. Non. Tu sais... La question est lancée. S'il y a des gens d'Apple qui veulent nous appeler, vous pouvez le faire. La ligne est ouverte. Les lignes sont ouvertes, sans problème. Mais sinon, en soi, ben, c'est avec la prise Lightning et tout le reste est relativement la même chose. Moi, quand j'ai... La prise Lightning... Ouais, ben c'est à cause que tu te rappelles du docking hyper gros là. Qui... Ah oui, le chargeur que tu peux mettre des deux bords. Ouais, ben là ils ont comme inventé. Ça, c'est cool. Oui, Samsung fait ça depuis une couple d'années aussi. Ah aussi. Ah maudite affaire. Et qui fait une mauvaise foi. Ah. Puis là ils ont sorti un connecteur Lightning là pour le fameux Lightning Bolt, bref leur connecteur à eux autres là. Ouais. Fait que là, bref, Apple continue à ne pas se conformer aux normes de l'industrie, à avoir la même prise universelle que tout le monde là, mais. Moi, mais en même temps quand les gens, parce que si on se fie à ça, dès que t'achètes du Apple, tout vire Apple chez vous, c'est. T'as pas besoin d'être aux normes du reste du monde. Mais moi, qu'est-ce qui m'intrigue, c'est parce que ça, c'est une norme qui a été votée par l'industrie du mobile. Toutes les compagnies se sont uniformisées à un même voltage, un même plug pour que tout fit, le micro USB. Dans le cas où une compagnie ne respecte pas, ça implique des amendes. Andrew, c'est Apple. Ils vont la payer l'amende, puis ils s'en sac. Microsoft faisait ça... Quand il brisait des lois antitrust, ah, je vais payer, mais je vais continuer à faire mes affaires de mon côté. Mmh. Ouais, hey. Ça, c'est comme l'église de Scientologie. Tu sais, c'est comme... bon, non, je vois trop. Est-ce qu'on vient de faire un parallèle entre Apple et l'église de entre la religion et Apple? Et une secte? Non. Non. Non, j'aime ça, moi, comme image. C'est bien, ça. Bref, voilà la nouvelle. On a beaucoup parlé autour, mais... La nouvelle sur Apple. Mais moi, j'ai l'impression qu'Apple, quand ils font des annonces comme ça avec des produits pas vraiment nouveaux, on dirait juste un rappel. Hey, on a ces produits-là en vente. On vous en fait des versions un petit peu améliorées, bonbon, mais on vous rappelle qu'on a un iPad mini puis qu'on a un iPad en vente. Il y a des concurrents. D'ailleurs, les parts d'Apple ont baissé d'à peu près 15% depuis 2011. Okay. C'est quand même beaucoup, 15%. Il est à 65% de la part de marché du marché tablette. En fait, je pense du marché mobile en général, ils ont baissé à 50% cette année. Ils ont vraiment... C'est parce que tu sais, de le monde, ouais, ils ont quand même 50% eux autres seuls. Mais quand tu baisses de 15% en 2 ans, c'est parce que c'est un message, là. On aimerait ça que vous innoviez. Arrêtez de rester dans votre niche. On vous rappelle en fait, depuis que Steve Jobs est parti, l'innovation est tombée pas mal au neutre. Ben, c'est soit ça ou le monde se réveille. Hein. Peut-être. Mais... T'sais, on vous rappelle un certain Research in Motion, là, présentement, qui a des problèmes. Je ne sais pas qu'Apple va arriver là, parce que sûrement que... Mais, Il faut innover aussi, il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers. Mais c'est ça, je vais faire une conclusion là-dessus. Si vous êtes un Apple fanboy et que vous êtes tout enthousiasmé par les annonces d'Apple, ben tant mieux. Non, mais si vous aimez les produits. Sinon, ben pas tant grand-chose de nouveau que ça. Là. C'est, si vous avez déjà un iPad, non, c'est ça, attendez qu'il brise avant de changer. Faites pas le changement pour ça. Ou sinon, ben allez voir les compétiteurs. Non, mais... Les gens ne font pas assez de magasinage à ce niveau-là. C'est Apple, c'est bon, c'est reconnu, j'achète. Il y a des bons produits ailleurs, faut aller magasiner. Mmh. Sur ça, je prends une gorgée de bière. Mais sur ça, en fait, on va partir déjà en musique, M. Castegan, parce qu'on a de l'excellente musique. T'es en train de me dire que j'ai rushé pour ouvrir des nouvelles, puis là, tu veux même pas qu'on en parle. Bon, on va en parler tout de suite après la chanson, parce que là, on a parlé bière, je me sens festif. Pas que c'est Z et CDZ, il n'est pas festif. Au contraire, on les a vus en show, c'est excellent. Mais là, on s'en va vers quelque chose de très festif avec Irish Moutarde et la chanson Orlaf. En fait, Olaf, pas Orlaf, pardon. Olaf. Ouais, là, c'est pas le name de notre game, là. Non, c'est ça. Je me trompe avec le personnage de M. Luc Lavoie de notre personnage. Qu'on salue d'ailleurs. D'ailleurs, bon, c'est ça. Salut, Luc. Et, parce qu'on sait que tu nous écoutes. Tout à fait. Et on va entendre ça, justement, Olaf de Irish Moutarde dans vos oreilles à puissance maximale sur les ondes de CJMD 96.9 à Lévis. CJMD 96.9. La seule station sur la rive sud. CJMD, la radio de la rive sud. Hello, this is Alfie of Sakura River, and you're listening to Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale, après Irish Moutarde et Olaf. Vous avez entendu ça dans vos oreilles, de l'excellente musique de la région de Québec, puis moi j'adore ce style-là. On les aime beaucoup, Irish Moutarde, je les ai vus cet été, je le répète, là, en show, live. Ça déménageait, c'est un méchant temps, j'avais été déçu de Dropkick Murphys, et quand je suis arrivé là-bas, je m'en suis donné à cœur joie. Et M. Castegan, il est temps, après avoir parlé musique, bien évidemment, d'aller du côté des nouvelles ludiques. Oui, donc, en fait, on va parler un peu de Xbox One. une exclusivité de Xbox One, dans le fond, qui ont annoncé leur édition collectionneur. On parle ici du jeu Titanfall, jeu qu'on avait parlé lors du E3, d'ailleurs. C'est le genre de jeu de mecha, ça. Exactement. Le genre de jeu qui ressemblait un peu à Battlefield, mais avec des gros mechas. Fait que, dans le fond, on parle... pas mal accroché, ça. J'ai hâte d'essayer ça. Ouais, en fait. On parle ici d'un jeu du studio de Respawn Entertainment qui est prévu pour une sortie le 13 mars 2014. Et on parle ici d'une édition collectionneur au montant de $250 Ouch. US. Oui, Eric, viens-t'en. Donc, on a notre invité de la deuxième heure qui vient d'arriver avec Eric. Là, on va continuer en nouvelle ludique, mais c'est juste pour vous avertir que... Si vous entendez des bruits étranges, c'est normal. C'est de la faute d'Eric. Donc, non, c'est ça. Pour Titanfall, pour ce prix-là, c'est quand même assez gros là, pour une version collectionneur. Il y a quoi là-dedans? En fait, vous connaissez mon amour des figurines. On parle ici d'une figurine d'un titan, donc dans le fond, le fameux robot, de 18 pouces de haut. Oh! Quand même une bonne figurine. Ça. Une bonne figurine. On parle aussi d'un artbook qui vient avec le jeu, ainsi qu'un poster avec les détails du Titan. Et, c'est un poster style blueprint. Exactement, ou... avec le nom Atlas, qui est le nom de code d'un Titan. Et aussi, en même temps, vous avez un DLC pour avoir un casque de pilote qui allume bleu. Dans le fond, pour rajouter du look tout plein à votre pilote. Donc, c'est cool à ce niveau-là. Et ouais. Les trucs en ligne, là, achète une version collectionneur, t'as des nouvelles capes. Ça m'intéresse comme pas pantoute. Mais bon, il y a une grosse figurine, des posters. Qui a l'air, mais je trouve ça quand même assez chouette. Mais 18 pouces, si c'est une belle figurine. Mais t'as pas l'image ici. Là. En fait, Mike, là... Envoie-moi donc ça. Mike, viens-t'en. T'es trop loin. Envoie-moi ça, puis il y a Facebook là, que je puisse ouais, voir. Ben, je t'envoie ça là, live, mon cher ami. Hey, c'est magique. Maintenant que j'ai un ordinateur devant moi pour animer, je dépends tellement de la technologie. J'ai peur de perdre tous tes moyens. Toute ma puissance d'animateur. Oh, ouais, quand même, assez impressionnant. Ben, c'est sûr que sur l'image, c'est beau, mais en détail, qu'on sente les mains. Ben, si on se fie à la figurine de Injustice, qui en image, elle semblait moyenne, puis quand on l'a déballé, on a fait le saut en faisant comme « Oh my God! » Ben, moi, je m'attends à un « Oh my God » de cette figurine-là. Ouais, sérieux, parce que c'est pas juste un robot, il y a trois soldats avec. Sérieusement, là, ça me donne quasiment le goût d'investir à Eric, puisque Eric va avoir une Xbox One, puis dire « Eric, achète cette édition-là, je vais te payer la différence, puis je veux la figurine. » Là, ah, il m'écoute pas, là, mais on va voir s'il acquiesce. Je disais qu'on avait devant moi l'édition collectionneur à $250 de Titanfall. Et je disais, puisque j'ai pas une Xbox One, j'avais quasiment le goût de dire à Eric, achète-toi la Titanfall, je te paye la différence, pogne-toi l'édition à 250, puis je garde la figurine. Es-tu malade, toi? Pas amateur. Paye la différence, puis je garde la figurine. Non! Je la veux, moi, la figurine. Puis moi, tu penses? Bon, ben, les gars, hein, c'est ça, toi, c'est parce que t'as pas l'intention de t'acheter une Xbox One. Non, pas tout de suite. Je vais l'essayer chez Eric. On va finir par se faire ce barbecue-là. On va l'essayer chez Eric. Puis je vais juste laisser le temps. On parle de quoi, le 11 novembre, hein? Eric me regarde avec un air de tu sais les gars le barbecue ça fait longtemps qu'on s'en parle, faut arrêter d'en parler puis de faire. C'est bien trop. Tu parles pour le jeu ou le barbecue? Les deux. Toutes. OK, ben le jeu c'est le 13 mars 2014. Oui, mais la console c'est le mois de novembre. Mois de novembre. Ouais. 11 novembre. Ouais. Oh, qui ça sent le game. Ouais, on va être obligé de d'aller chez Eric au mois. Je vais te faire essayer la PS4 en échange. Eric, moi là, attends de voir la machine, attends de voir si Sony a fini par corriger son Christie de problème de download, d'update aux 5 minutes, puis on verra après. Moi, je donne une chance au courant. Oui. Je sens tellement là, encore la mauvaise foi d'Eric. Non, bon, mais t'as le droit, tu sais. C'est... Ben, c'est comme les chrétiens qui vont à l'église, ils ont le droit. La foi, c'est bien. Je suis en train de faire un statement, moi, contre l'église catholique. Bref. Non, on parlait de scientologie. Tantôt. Ah, moi, c'est ça. On est là-dedans à 100%. Mais certaines personnes pourraient penser que être geek, c'est comme une religion. Hein, je veux dire, il y en a que. Ben, il y en a qui sont clingons. Il y en a qui sont Jedi. Il y a effectivement la religion Jedi que vous pouvez rejoindre. On devrait starter ça à Québec. Il y a bien une église de Scientologie qui a pignon sur rue sur Charest à Québec. Moi, je ferais une église site, personnellement. Non, site, là, c'est beaucoup trop facile. On remarque que quand tu regardes... Moi, je vous dirais, faites attention à ce que vous dites si vous parlez de Star Wars, là, parce que vous en avez... Oh yes! On en parlera tantôt. On pourra déraper là-dessus. Bref, on va revenir au sujet de Titanfall. Vous savez pas dans quoi vous embarquez quand cet individu-là est avec nous. On fera 20 minutes de chill, puis on fera un autre 20 minutes de Star Wars. Parce que, comme j'ai dit, je pense que j'en ai parlé à la dernière émission, que je suis vraiment retombé dans l'univers Star Wars récemment. Je me suis retapé les deux trilogies. J'ai quand même plus apprécié la prélogie qu'avant. Je continue à penser que la meilleure, c'est la vieille. Parce que Darth Vader, oui, il a juste besoin d'être là. Puis je me sentais vraiment comme un petit cul. J'avais 6 ans quand j'écoutais. Commencé à lire les graphic novels. Il faudrait que je me... Les romans qui viennent tout de suite après... Ben, on repart sur une autre dérape. Je vois un signe d'approbation, c'est parfait. Ouais, dès que j'ai dit graphic novel, il y a eu une approbation. Oh, oui, je suis content, bien. Je suis sur la bonne voie. Ouais, mais moi, on en reparlera. Ouais, on va reparler de Star Wars tantôt. Je connais pas plus grand fanboy que ce gars-là. Ah, ben excellent ça. Ah, tu vois, on a Diego Lamana sur la page de Puissance Maximale qui propose l'église de Puissance Maximale. J'en serais personnellement. Ben, on avait pensé peut-être à se lancer en politique, t'es à la mairie. Le parti ludique où on promettrait un Québec plus ludique. Ben moi, j'embarque. Ben de toute façon, moi si on a une église. On pourrait commencer par la ville. On pourrait faire ça avec Lévis. T'sais, si on gagne à la mairie de Lévis, après ça, on verra au provincial, puis après ça, on verra au fédéral. Ah, on regardera ça. Mais si on a une église, je suis prêt à être l'humble prophète de cette église. Et moi, je serai le roux. Oui, ben c'est ça. Tu peux pas avoir d'autres... Je spot l'exclusivité. J'aime tellement pas ça, Leroux. Je pense à Monique Leroux. Oh, ça m'énerve. On ne parlera pas de ça ici. Voilà. Bien envoyé, Andrew. Merci. Donc, écoute... on revient. Donc, Titanfall qui est annoncé pour quelle date, Andrew? Ouais, c'est ça, encore, je viens de fermer la nouvelle, là. Okay. 13 c'est, mars. C'était 2000, au mois de mars. 13 mars 2014, je m'en rappelle. Merci beaucoup, Andrew, de nous avoir parlé de ça. Parce que, écoutez, il est déjà 9h-4. Et il sera temps d'aller en pause musicale avant la deuxième. 9h-4? J'ai-tu dit 9h? 18h? Ouais. Je m'excuse. 18h56, okay. 6h. En fait, je voulais dire... 19h. Ouais, je voulais mélanger comme le 19h-4. Ça se dit tellement mal. 7h-4, donc 18h50. Mais maintenant, -3. 18h57. Et on va... Ça semble compliqué de dire une heure, là. Mais là, il y a Eric qui m'a ramené. Moi, j'essaie d'accompagner tout le monde dans cette histoire-là. Là. Finalement, elle est bien forte, là. Elle est bien l'acronyme. Tellement, là. On a même juste pris une, là. Donc... En fait, moi, il n'est pas fini encore. Non, ouais, mais toi, c'est correct, t'es ta mise en onde. Moi, j'ai le droit de dire des niaiseries. Je suis animateur. C'est la dernière chronique bière, on l'échappe bien. Non, c'est ça, c'est fini, on a fait. Fini. Donc, il sera temps de partir en pause musicale pour aller vers la deuxième heure de Puissance Maximale. Et on va aller avec un autre coup de cœur, on en met souvent à l'émission. On va aller avec le Nahul Band, donc le groupe musical qui accompagne. Puis le... une chanson en plus qui te rend hommage. Ben, pas vraiment. En fait... À certains détails près, mais tu sais, comme toute légende, il y a une déformation. C'est ça. En fait, ça rend hommage à Crom, le dieu des barbares et de la baston. On faut se référer à l'univers de Conan, le barbare. Mais Andrew dit ça parce que mon personnage dans notre partie de Pathfinder s'appelle Crom. Un barbare, bien évidemment, qui se bat avec un gros marteau. C'est ça, mais tu sais, à part le détail que dans la toune, c'est une grosse épée. Voilà. C'est identique. Faut juste switcher, c'est la même chose. Donc, on vous envoie Chrome dans vos oreilles, mesdames et messieurs, du Nahul Band à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD FM 96.9 à Lévis. CJMD 96.9. Branché sur Lévis. C'est le dieu barbare de la baston. Crom, des mandales, des ch'tars, des nions. Oh, oh, oh, Crom, assis en haut de sa montagne. propres mains. Chrome, avec des techniques de bourrin. Chrome, il a soloté tous les donjons. Sans armure et sans pantalon. Stratégie, diplomatie, Chrome n'a jamais rien compris. C'est la baston et voilà. Chrome, on en parle en mangeant du poulet. Chrome, dans les campements qui sentent les pieds. Chrome, on le prie mais il n'écoute pas. Car il s'en biffre au Valhalla. S'équiper d'une grosse épée, massacrer à tour de bras. Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi. Chrome, c'est ce qu'il veut. Pas trop son cerveau. Chrome a traversé la mer en nageant avec son glaive entre les dents. Chrome a coupé la tête au Léviathan. Chrome a fait pleurer Chuck Norris. Il va bien plus loin quand il pisse. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, le torse vilé. Ne s'est jamais peigné. Chrome, d'un seul regard il peut tuer. Chrome a des filles à ses pieds. Chrome, la main sur son épée. Chrome boit sa bière dans un crâne éclaté. Garder le secret de l'acier. Chrome, et si tu viens lui demander. Oh, oh, oh, Chrome, mais où est donc le secret perdu? Il te répondra dans ton cul. Bonjour, je suis Frodon et j'écoute Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après Chrome du Nile Band. Et nous sommes en deuxième heure de Puissance. À chaque fois que je dis ça, je fais comment qu'on faisait avant pour faire une heure seulement? On coupait. Impossible. On coupait. On parlait de plein de choses. On avait le goût de parler de plein de choses. On coupait dans nos argumentaires, dans nos parlers. Et finalement, le monde, c'est ça qu'il aime. On faisait du retour du E3 en une heure. Comment qu'on faisait ça? Cette année, j'ai hâte de voir comment ça va virer. Ouais, ça va être 100 fois meilleur. On va inviter Eric avec de la bière, ça va être encore plus drôle. Ça va être malade. On va s'arranger que ça tombe en même temps que la chronique. Exactement. Bière. J'ai oublié de vous parler de quelque chose, mesdames et messieurs. J'ai posté ça tantôt sur le Facebook de Puissance Maximale en parlant du nouveau pour l'animateur. Et l'animateur, c'est moi. Mais en fait, je voulais dire une petite annonce comme ça, c'est que j'aurai la chance de signer une chronique techno dans le journal Le Peuple de Lévis à partir du 6 novembre. La première chronique sera imprimée le 6 novembre, disponible gratuitement sur leur site Internet. Donc voilà, c'est une petite nouvelle comme ça. Je suis bien content. Puis là, de... il va m'appeler chaque mois, puis me dire « Andrew, de quoi je pourrais bien parler? » Puis là, je vais tout dire qu'est-ce qu'il doit écrire, puis il va juste le vulgariser. Et non, fait que non. Finalement, ça va être moi. Deux points email Facebook de mon côté, tu sais. C'est sûr que je vais vous en parler, mais en fait, je vais vous dire, je parle de ça, vous n'avez rien à dire là-dessus. C'est-tu clair, ça? Non, mais voilà. Ben moi, je suis directeur des invités de Geekfest. Et voilà, le chat sort du sac. Donc, je signerai cette chronique une fois par mois dans Le Peuple de Lévis. Donc, Jean de Lévis lisait ça attentivement et autres gens d'ailleurs au Québec ou par dans le monde. Par le biais des internets. Par le biais des internets, vous tapez Peuple de Lévis, journal Le Peuple de Lévis sur Google. Vous pourrez trouver ma chronique très facilement dans le journal de la semaine. Où, et évidemment, on va le mettre sur la page de Puissance Maximale parce qu'on aime ça faire des blogs. Et voilà. Donc, on va débuter dans la deuxième heure de Puissance Maximale avec notre invité, M. Caron Martin, de son prénom, qui va venir nous parler d'un jeu de rôle. On n'en parle pas assez à l'émission, mais là, on va parler de quelque chose de différent. On parle souvent de Pathfinder, moi et Andrew, parce qu'on joue à Pathfinder toutes les semaines. Mais M. Caron va venir nous parler d'un jeu. En fait, je trouve l'histoire très intéressante d'un jeu qui s'appelle Chill. Donc, moi, je serais aucunement au courant. Ben alors, c'est le moment pour moi de vous expliquer ce qu'est Chill. Ouais, c'est ça. Martin va nous dire ça. Mais en fait, avant toute chose, j'ai une question à te poser. Parce que c'est Eric, en fait, qui m'a mis en contact avec Martin. Et là, je lis ça un peu sur Internet, que Chill est un jeu qui appartenait à une compagnie. Et là, qu'un Québécois détient les droits de ce jeu de rôle-là, présentement. Je trouve ça vraiment, moi, à la base, je fais, c'est bien le fun, ça. Mais... qu'est-ce qui s'est passé? En fait, explique-nous c'est quoi Chill et comment t'en es arrivé finalement à acheter les droits de jeu là? Parfait. Écoutez, Chill est un jeu de rôle d'épouvante contemporain qui a été créé dans les années 80, en 84 en fait, par une compagnie qui s'appelle Pace Setter, une compagnie américaine du Wisconsin, petite, essentiellement formée par des anciens de TSR, un peu frustrés par le traitement qu'ils avaient chez TSR. Donc, ils se regroupent ces gens-là, créent cette compagnie-là, et lance comme ça quelques systèmes de jeux de rôle, quelques nouveaux jeux. Chill en est un, et ça a été le plus populaire de Pace Setter, en fait. Ça a été le jeu qui a fait connaître la compagnie et qui a connu un succès mondial, littéralement. Il a été traduit en français, d'ailleurs, à la fin des années 80, par une compagnie qui s'appelle Schmidt, qui n'existe plus, je crois. Donc, le jeu était connu autant dans le monde anglophone que dans le monde francophone à ce moment-là. Mais malheureusement, Pace Setter, ça n'a pas fait long feu. Ils ont lancé d'autres jeux, Star Ace, Time Master, pour les nommer, qui ont connu beaucoup moins de succès. Et bon, par les aléas de la business, ça a fait en sorte que Pace Setter, à un moment donné, en 86, donc après grosso modo 3 ans d'existence, ils ont mis la clé dans la porte. Et Chill est mort de sa belle mort. Mais Chill, je l'ai dit, ça a connu un succès considérable. Donc, la nature a horreur du vide, n'est-ce pas? Alors, le jeu a été racheté au début des années 90 par une compagnie américaine qui s'appelle Mayfair Games. Mayfair a les reins beaucoup plus solides que Pace Setter. C'est une compagnie qui est bien établie, qui fait non seulement du jeu de rôle, mais aussi du jeu de plateau, du jeu de cartes. Ce sont entre autres eux qui distribuent les colons de Catan dans le monde anglophone. Oh, okay. Donc, c'est une compagnie qui est solide, qui est capable d'en prendre. Donc, Mayfair distribue une seconde édition de Chill. Écoutez, j'ai pas les dates exactes, là, disons au début des années 90, 93, peut-être 94 environ, lance une seconde édition du jeu. Essentiellement, le système est très semblable à la première édition. C'est toujours avec le système, un système décent, donc un système de dépourcentage de D10, simple à utiliser, mais qui fait la job. Là. Et puis, cette édition-là de Mayfair connaît aussi un bon succès, un très bon succès. Ils produisent, en fait, ils distribuent, ils lancent plusieurs jeux, plusieurs suppléments, autant de background que de nouveaux scénarios. Mais au milieu des années 90, 94, 95 environ, Mayfair prend une décision d'affaires qui est celle de d'arrêter le jeu de rôle pour se concentrer exclusivement sur le jeu de plateau. OK. Donc, cette année terminée, le Chill, c'est vraiment... Là, le Chill meurt de sa belle mort. Et là, depuis 1995, je rappelle que... Je veux juste souligner également que la deuxième édition a aussi été traduite en français par une entreprise qui s'appelle Oriflamme, qui a connu aussi un bon succès en Europe, en Belgique, en France, au Québec également. Mais depuis 1995, grosso modo, c'est terminé. Chill ne vivait que par les fans qui continuaient à jouer, qui se créaient des forums, des sites web, etc., pour partager leur passion. Ouais. Ils écrivaient des scénarios qui se partageaient entre eux autres, mais il n'y avait plus rien commercial, il n'y avait plus d'entreprise qui supportait le jeu. Et puis moi, je suis un fan de Chill depuis la première heure. En fait, j'ai commencé à jouer. D'ailleurs, Eric a joué dans quelques-unes de mes parties de Chill à l'époque. J'avais 16 ans, secondaire 4. Je débute, je me lance dans les jeux de rôle. L'époque à laquelle on s'est connus, d'ailleurs. Tout à fait, effectivement. Ouais. Marie de l'Incarnation ou Agent de Brébeuf. Ouais. Et à ce moment-là, tu vois, j'ai débuté comme à peu près tout le monde par Dungeons & Dragons. J'ai commencé par Donjons & Dragons, comme tout le monde. Mais je me suis rapidement tanné de l'univers médiéval fantastique. J'avais le goût de passer à autre chose. Et là, je suis tombé dans Star Wars. Le jeu de rôle de West End Games, D6, excellent jeu. J'y ai joué pendant longtemps, mais j'ai eu une passion pour l'épouvante, pour l'horreur, que je traîne depuis aussi, je dirais presque ma tendre enfance. J'ai toujours été un fan fini de cinéma d'épouvante. Alors, quoi de mieux pour rassembler mes deux passions, celle pour le jeu de rôle et celle pour l'horreur, que de découvrir, à 16 ou 17 ans, le jeu de rôle Chill. Je le découvre par hasard, en magasin. Je vois ça. Déjà, la pochette du jeu, la boîte m'interpelle. Ouais, la boîte. C'était dans la boîte, une vieille boîte en carton. À l'époque, les jeux de rôle, c'était dans des boîtes avec plein de modules dedans. C'était à l'époque des vinyles. Tu sais, t'achetais un vinyle ou une pochette. T'achetais un band parce que c'était la pochette beau. T'appelait. Exactement, ouais, voilà. C'était des affiches qui ressemblaient un peu au visuel des affiches des vieux films de la Hammer, la compagnie anglaise qui a été très, très, très active à la fin des années 50 jusqu'au début des années 70 environ. Les films qui mettaient en vedette, entre autres, le duo d'immortels composé de Christopher Lee, de Peter Cushing, tous les films de Dracula, Frankenstein, La Momie, Loup-Garou, etc., qu'ils ont fait ensemble. Donc, Chill, de Pace Setter, s'est inspiré par l'univers cinématographique de ces années-là, de la Hammer film. Alors, je découvre ça, je l'achète, on le joue. C'est un succès immédiat dans le groupe. On tombe en amour avec ce jeu-là. On achète tout ce qui sort. T'organises une game prochainement? Ça m'intrigue. J'ai une campagne de Chill qui roule depuis maintenant 2 ans et demi, d'ailleurs. On joue un samedi sur 2. 5 joueurs. On en a recruté une nouvelle. On est rendu 6 joueurs à la table, plus le maître de jeu qui est moi. Et c'est ma deuxième énorme campagne de Chill parce que ma première a duré à peu près 5 ou 6 ans de jouer de façon consécutive. On a Eric là qui il est maudit qu'il a l'air fan. Il est vendu là. Il est vendu, effectivement. Et là, Chill est mort. Moi, je continue à vivre de Chill quand même. Ça fait partie de ma vie, comme je le dis, depuis que j'ai 16 ans. J'en ai 40 aujourd'hui là. Okay? Ça fait partie de ma vie depuis donc plus de 20 ans là. Et je trouve ça dommage que ce jeu-là n'existe plus. Je trouve ça triste. Surtout que je me rends compte qu'il y a une communauté de fans sur Internet qui réclament le retour de ce jeu-là. Alors, il y a un peu plus de... Maintenant, pratiquement 2 ans, je parle avec ma conjointe, je lui dis, il me semble que ce serait le fun de relancer Chill. Puis pourquoi, tant qu'à ça, que ce ne serait pas nous qui le ferait? Mais c'était une idée comme ça que je lance un peu à un souper, tu comprends? Ma conjointe me prend au mot et me pousse littéralement dans le derrière là, pour qu'on aille de l'avant. Alors, on entre en contact avec la compagnie qui détient les droits, Mayfair Games. On tente pendant... Et là, ça m'a pris beaucoup... ça nous a pris, à ma conjointe Renée et moi, beaucoup de patience et de détermination parce que pendant pratiquement là, 1 an, 12 mois, on a lancé des messages par courriel aux autres instances, aux dirigeants de Mayfair Games. On les a appelés. On a trouvé l'adresse de courriel personnelle du type qui est responsable de la propriété intellectuelle des jeux qui appartiennent à Mayfair. On lui a écrit. On a écrit un courrier en lettres commandées qu'on a envoyé à Mayfair, à sa maison personnelle. Tu comprends, on a tout essayé. On parle de détermination. Absolument. Là, on a un exemple ici. Et c'est resté lettre morte. On n'avait pas de nouvelles. Un peu découragé, à un moment donné, je dis à ma conjointe, écoute, je pense qu'on n'a plus rien à perdre, là. On va écrire à Mayfair exactement notre plan d'affaires. Qu'est-ce qu'on veut faire avec Chill? On va le décrire en long et en large. On l'a écrit en français, on a fait traduire ça par des anglophones pour être sûr que ce qu'on envoyait là, c'était top-notch. Mm-hmm. Et on l'a écrit. Ma conjointe avait un peu peur. Elle dit, t'as pas peur qu'on fasse voler notre idée? Parce qu'on voulait amener Chill à un autre niveau, là. OK? Mais là, je lui ai répondu, c'est ça ou on l'a pas. On l'essaie au risque de se faire voler notre idée ou on passe à côté puis on l'achètera jamais. De toute façon, c'est ça. Voilà. Alors, on procède. On écrit ça. Et ça, là, on est en décembre 2012 à ce moment-là. On envoie notre projet à Pete Fenlon, là, précisément. C'est le type chez Mayfair là, qui est CEO. Là, donc, il est président directeur général, ouais, de Mayfair. Là, il est vice-président, en fait. Ça prend... Je vous mentirai pas. Je pense que ça a pris 2-3 jours. Avant, ça a été très rapide. Pete Fenlon me réécrit. Il dit, Monsieur Caron, on a lu votre plan, là, on a lu ce que vous voulez faire avec Chill, puis ça nous intéresse pas mal. On trouve ça le fun, ce que vous voulez faire avec Chill. Puis laissez-nous quelques jours, là, on va vous faire une proposition. Tu comprends que pour nous, c'était une nouvelle absolument époustouflante. Parce que j'imagine que vous ne deviez pas être les premiers à leur écrire, ça me tente. Certainement pas. C'est ça. Certainement pas. Cette offre-là, j'imagine. Là, on voit que les gens sont sérieux. Là. J'ai travaillé, regardez ce que j'ai de développer, c'est ça. On a envoyé des écrits, là. Il passe quelques jours, pas de réponse. Fenlon nous avait dit dans son courriel, si vous n'avez pas de réponse de moi, là, d'ici la fin de la semaine, réécrivez-moi. Alors, on réécrit. On lui dit, Monsieur Fenlon, vous aviez dit que vous nous donnez une réponse. On l'attend toujours après. Qu'est-ce qui se passe? La réponse s'est pas faite attendre. Je pense que ça a pris même pas 24 heures suite à ce deuxième envoi-là que Pete Fenlon nous envoyait non pas une proposition, mais un contrat en bonne et due forme de vente de tous les droits et de la propriété intellectuelle de Chill. On regarde le contrat. On était, tu comprends, ébahis. Des petits culs de Québec, pardonnez-moi l'expression, oui, oui, là. Oui. Qui a en main un contrat d'un jeu qui a été vendu dans le monde entier. On a fait ni une ni deux, on a rencontré un avocat spécialisé dans les droits d'auteur qui a analysé le contrat, qui nous a proposé des aménagements. On est revenu avec des contre-propositions sur le contrat qui ont été très bien reçues par Mayfair. En fait, ils ont réécrit le contrat littéralement avec nos contre-propositions. Ils nous l'ont retourné, on l'a signé, on l'a payé, c'est réglé. Chill m'appartient depuis... La date exacte, je pense, c'est le 31 décembre 2012. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Non, c'est récent. C'est récent. Et là, on s'est mis à penser à ce qu'on allait faire avec tout ça. Ça s'est fait très rapidement à la fin, là, la signature du contrat et tout. Alors, tranquillement, pas vite, on a commencé à ébruiter un peu l'histoire. Premièrement, sur Wikipédia, sur la page Wikipédia de Chill RPG, on est allé indiquer qu'on était les nouveaux propriétaires. Et là, ça a fait réagir. On s'est mis à recevoir des courriels de l'Australie, de la Norvège, des États-Unis, d'un peu partout, de fans qui disent « Hey, on a vu que t'étais toi le propriétaire de Chill. » Tu fais quoi avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec qu'est-ce ça? Qu'est-ce qui s'en vient? Nous, on veut. Au départ, je répondais de façon plutôt évasive. J'écoutais, il y a des plans qui sont en marche, on est en train de travailler là-dessus, on pense à différentes choses parce que je vous cacherai pas, je veux pas seulement que Chill soit un jeu de rôle qui soit remis en vente, mais j'aimerais ça que Chill soit décliné en autre chose qu'un jeu de rôle, OK? Ça, c'est dans mes plans. Mais je voulais pas le dire au départ à ces gens-là. J'étais pas encore assez sûr de ce que je voulais faire. On vient de recevoir ça entre les mains. J'imagine qu'on va prendre le temps d'analyser tout ça puis de faire, bon, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Voilà. Puis je voulais contacter des bonnes personnes aussi. Il y avait des éditeurs avec qui je voulais parler aux États-Unis, bon, etc. Là. Puis il y a des éditeurs français aussi avec qui je voulais parler. Donc, je voulais pas trop m'embarquer dans les choses. Mais là, rapidement, sur Google+, il y a un fan hardcore de Chill qui a monté une page Google+. Je me suis mis membre de la page, évidemment, parce que là, je voyais tout ce qui se passait. Il y avait des gros échanges là-bas. J'ai publié pour dire c'est moi le propriétaire. Ça a soulevé encore une fois une vague. Très récemment, sur le site RPG.net, là, qui est le plus gros forum de jeux de rôle au monde, je suis allé poster ça. Ça me... Si tu comprends, j'ai eu des demandes de toutes parts, de tous côtés. J'ai l'impression que je me sens un peu comme le professeur, comme le docteur Frankenstein là, qui est en train de faire revivre un monstre. Je me sens un peu comme ça. Je suis un peu dépassé par les événements. Là. Ça va vite, puis je reçois beaucoup, beaucoup de demandes. J'ai reçu d'ailleurs, pas plus tard que hier, une demande d'entrevue en anglais à donner à un site web de jeux de rôle. que j'ai accepté, mais là, je vais voir comment ça va se dérouler. Bref, tout ça pour vous dire que il y a un fanbase de Chill que je ne soupçonnais pas être aussi fort puis aussi, exigeant, je te dirais. Parce que ces gens-là veulent avoir du matériel. C'est pour ça, un jeu, c'est pas un jeu nécessairement mainstream. C'est que c'est sûr que non, la base de fans qui est là, c'est du hardcore, là. Ça va être du monde exigeant. Faire un contexte rapide, là. Chill. Tu le soupçonnais pas, mais tu t'en doutais. Je m'en doutais, bien oui. C'est absolument. Si je m'en doutais pas, j'aurais pas acheté le jeu. C'est ça, exact. Si je me doutais pas qu'il y avait encore assez de monde pour faire vivre la licence, j'aurais pas acheté le jeu. C'est clair. Je reviens un peu parce qu'il y a peut-être bien des gens qui savent pas c'est quoi Chill. Là. Grosso modo, Chill, c'est un jeu d'horreur, comme je le disais, contemporain, mais qui peut aussi se dérouler à l'époque victorienne, bien qu'il ait été davantage conçu pour être joué aujourd'hui. Mais j'imagine que c'est... Est-ce que... Ça, c'est une question, en fait, qui me vient, parce que moi, je suis maître de jeu, j'ai été joueur dans certains systèmes. Est-ce que c'est justement, là, c'est une question que j'avais, est-ce que c'est adaptable facilement à plusieurs univers ou... Vu la façon que c'est monté, comme là tu viens de nous parler de l'époque victorienne, j'avoue que côté horreur, côté épouvante, on est vraiment dans une époque, on est dedans là. Une époque fertile. Là. C'est ça. Effectivement. Dans le moderne aussi, on peut y aller aussi. Tout mais à fait. Justement, les fans, on revient souvent au médiéval fantastique, au médiéval historique dans le jeu de rôle. Est-ce qu'on peut aussi s'imprégner de cet univers-là dans le Chill? Je te dirais bien honnêtement que si t'es un fan de médiéval fantastique puis tu veux faire de l'horreur, lance-toi dans Ravenloft tant qu'à ça. Là. Ah ben oui, oui. Selon moi, c'est la meilleure option. Mais en fait, je me demandais aussi, on parlait justement du système de jeu qui est beaucoup basé sur le dé de pourcentage. Oui, absolument. Est-ce que pour Chill, évidemment qu'on parle de jeux d'horreur, on préfère un parallèle un peu boiteux, mais quand même en parler de Vampire the Masquerade, ouais. White Wolf. Tu sais, Vampire the Masquerade, c'était beaucoup publicisé à une époque comme étant jeu d'horreur ou jeu d'ambiance. Jeu davantage de narration, ouais. Et de storytelling, je te dirais. Ouais, c'est ça, storytelling game. Toi, ouais. Au niveau de Chill, est-ce qu'on est dans l'ambiance? Chill, c'est ça que je trouve merveilleux avec ce jeu-là, c'est que c'est un heureux mélange de genre. On est dans l'ambiance, dans l'enquête, très dans l'enquête, mais aussi dans l'action. J'imagine que ça demande beaucoup plus de travail au maître de jeu. Définitivement, sauf si évidemment on joue avec les aventures qui ont été publiées sur le marché. Là. Mais un maître de jeu qui crée ses propres scénarios de Chill, c'est très exigeant. Parce qu'il faut monter une enquête qui est solide, qui se tient, sans donner trop d'indices, sans en cacher trop, sans dévoiler, parce que chaque créature a sa méthode de destruction, son lieu de travail, si vous me permettez l'expression. Mais je reviens à la base, Chill à la base, ce sont des créatures classiques issues de la mythologie ou des légendes. Les vampires, les loups-garous, les classiques, les momies, ouais. Les fantômes et autres ghouls et spectres. Okay? Et les joueurs incarnent des personnages, ce qu'on appelle des émissaires, qui appartiennent à une société secrète qui s'appelle la SAVE. Excusez-moi mon accent latin, mais SAVE, c'est Societas Alba Via Eternitata, ce qui veut dire en français, grosso modo, la société de l'éternelle voie blanche, qui vient en opposition avec la voie maudite ou la voie sombre, la Via Sombra, qu'on appelle... Qui est utilisé par les créatures. Ce sont comme des pouvoirs de la magie noire, si tu veux, en quelque sorte. On vous entend, on a parlé en première heure beaucoup de religion en blague aussi, mais est-ce que dans cet univers-là, justement, cette société-là a beaucoup de liens religieux, disons, non. Avec une organisation où c'est vraiment, non. Elle est entière en elle-même? Elle est entière en elle-même, elle est autofinancée par des gens qui sont fortunés, des lords anglais, par exemple, ou des politiques, même américains, qui ont été en contact avec des forces de l'inconnu, parce qu'en fait, à Chill, le monde connu, le monde tel qu'on le connaît, est envahi, je te dirais, mais de façon très sporadique et caché par des créatures qui proviennent d'une autre dimension qu'on appelle the unknown, donc l'inconnu. Ces créatures-là réussissent à percer dans le monde connu pour y commettre des crimes, des forfaits, des meurtres en série, des choses, mais toujours et toujours très, très cachées. Les autorités officielles, le clergé, l'armée, la police, voient rien aller, ni ces faits-là, mais il y a une société secrète, donc, qui est au courant, et les personnages qui sont joués par les joueurs savent que, encore faut-il le démontrer, que le crime X qui s'est déroulé dans la petite ville Y des États-Unis a été fait par un T tel type de créature, par exemple. Il faut enquêter, découvrir les preuves de l'intervention de ces monstres-là et trouver la façon de tuer, parce qu'il faut avoir évidemment la bonne méthode, parce qu'on n'affronte pas un vampire avec un pistolet, on n'affronte pas un loup-garou avec un pieu. Bon, on peut le faire. On peut le faire à nos risques et périls, voilà. N'est-ce pas? Parce que le système de combat de Chill est très réaliste en ce sens qu'il est très violent. On ne survit pas à une attaque en règle d'un loup-garou en pleine ruelle obscure d'un quartier X. Faut penser si à son affaire. Pas préparé. Oh oui, tout à fait. Parce qu'une confrontation à Chill, ça ne dure pas 12 rounds. Ça dure 2 rounds, puis la moitié du groupe est morte. C'est mort s'ils n'ont pas entrepris les bonnes actions. Écoutez, on parle d'action, mesdames et messieurs. On va revenir parler de Chill après une pause musicale, parce que moi, je suis là-dedans à plein. T'es allumé, là. Ah oui, à fond. Moi, je suis un gars, je suis un rôliste, tout le monde le sait. On va aller, écoute, on parle d'action. Quelle meilleure transition musicale pour se rendre au thème de l'émission Rahan. On parle d'un homme d'action, on ne peut pas avoir plus homme d'action que Rahan. On vous envoie ça dans vos oreilles à puissance maximale à CGMD 96.9 à Lévis, puis on revient tout de suite avec M. Caron pour continuer de parler de Chill. Cet hiver, on garde nos enfants au chaud. Le 25 octobre prochain, de 15h à 21h, toute l'équipe de CJMD est en pleine action aux Galeries Chagnon. C'est en collaboration avec Alliance Jeunesse Chute de la Chaudière. Nous serons en direct pour une levée de fonds, mais une levée de fonds bien spéciale. La moitié des fonds amassés serviront à acheter des vêtements d'hiver neufs pour des enfants dans le besoin. Venez apporter vos dons en argent ou en vêtements, et plusieurs artistes seront sur place tout au courant de la journée. Pour plus d'informations, le 969.com. On n'oublie pas, cet hiver, on garde nos enfants au chaud. On se voit le 25. Bună ziua, mă numesc Andreea, sunt de la Fox Mind Și îmi place Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Il y a M. Valierroy là, qui vient d'arriver en studio comme ça pour nous saluer, qui va être pour les rois du sport tout de suite après Puissance Maximale. Bonjour, Valier. Restez à l'écoute. Merci, Valier. Et on va continuer pour parler de chill, parce que là, moi, je suis allumé raide, là. Parce que. Il y a deux choses qui allument Mike dans la vie. Écoute, la boisson moi, je et les jeux de rôle. Bon. Les femmes aussi, là, quand même. Quoi? Les femmes? Je suis retombé à quoi? 18, 19 ans? Ouais, effectivement. Hein? Ça nous rappelle les bons vieux souvenirs. Mais, si tu me permets une grosse plug sale, j'aimerais quand même dire que actuellement, on a tout juste parti, ma conjointe et moi, une page officielle sur Facebook Chill RPG. Ah, ben attends un peu, je vais aller chercher ça. Et voilà, mais Andrew va nous mettre ça sur la page de Puissance Maximale. C'est très gentil. Alors, j'invite vos auditeurs qui sont intéressés par le jeu de rôle chill. Est-ce que c'est chill espace RPG tout en majuscule? Ouais. Pour le RPG? Oui, tout à fait. Ouais, puis le logo, c'est un genre de bonhomme allumette. Voilà, le logo, c'est ce qu'on appelle l'indalo. L'indalo, c'est le symbole de la save. C'est une représentation primitive de l'homme observant l'univers, grosso modo. Non. Là, en fait, la question qui me vient pour chill, on en a parlé tantôt, on est-tu... Parce que souvent, il y a beaucoup de rôlistes. Moi, je suis assez mainstream côté roleplay. Moi, je suis très White Wolf, je suis très Pathfinder maintenant, vu le système qui est beaucoup meilleur que Donjon Dragon 4e édition. Un gars très action, mais moi, je suis un littéraire. Moi, j'ai un bac en littérature, j'adore lire, je suis dans l'ambiance. Est-ce que dans Chill, parce qu'on est capable de le faire dans Vampire, dans tout l'univers de White Wolf, on est capable d'aller dans l'ambiance. Mais Chill, est-ce qu'on est dans un roleplay plus ambiance, plus action? Non, plus ambiance. C'est clair. On peut jouer à Chill une soirée de Chill entière, 5-6 heures, ça peut arriver sans aucune scène d'action. Ouais. OK? Puis on a autant de plaisir que si on avait fait du hack and slash là, pendant 2 heures de temps à donjon pour les amateurs. Là. Ouais, selon toi, est-ce que ce jeu de rôle-là s'adresse à tout le monde? Oui. Parce qu'on s'entend que des fois, il y a des gens... S'il n'y a pas un petit brassé de dés là, à toutes les 15 minutes, là, il joue pas, là, il comprend pas, puis il n'y a pas d'action. Ou s'il n'y a pas un... Parce que je me demande en fait si le système de chill nous permet de faire des actions sans nécessairement de faire des jets à chaque fois. La réponse à ça, c'est un peu non et oui. Okay. Okay, c'est-à-dire que celui qui recherche la scène d'action à tout prix, là, aux demi-heures de jeu, là, il va être déçu par chill. Okay, il est juste pas à sa place. Il est pas à sa place, c'est ça. Joue à d'autres choses. Va te promener dans un donjon, va buter des créatures pour trouver des trésors. Okay, ça, c'est correct pour ça. Chill, c'est davantage, je le répète, un jeu d'enquête. C'est un jeu d'épouvante davantage qu'un jeu d'horreur, en ce sens où le sentiment qu'on veut susciter chez les joueurs n'est pas un sentiment comme on en vit avec l'horreur de dégoût, mais bien de peur, de stress. Comme avec l'épouvante. Okay? Ben, c'est la distinction que je fais entre les deux. D'où le nom Chill. Chill, tu sais, c'est des frissons. C'est des frissons. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Il faut que les joueurs... Et d'ailleurs, c'est l'expérience que je fais vivre à mes joueurs un samedi sur deux. Et ils me le disent à la fin d'une séance. Hey, dans telle scène, j'avais les mains moites. Dans telle scène, j'avais les poils dressés sur les bras. C'est ça qui est important. Il faut que le maître de jeu réussisse à donner la chienne à ses joueurs. Et là, autre commentaire, question par rapport à ça. Ça veut dire que ça prend... tout un maître de jeu là. Je disais, moi j'ai été maître de jeu au niveau vampire, werewolf, mage, donjon dragon, ces affaires-là, j'ai fait du live My Night Theater avec tout l'univers de White Wolf. Déjà là, ça prend du jus, ça prend de l'organisation. Quand on est au niveau de chill, quand on est dans l'ambiance, je pense tout de suite à un Call of Cthulhu. Oui. Où on a des dans le Devin système ou dans les autres systèmes où ça a vécu ça, ce système-là. Exact. On peut pas pour connaître l'univers Lovecraftien, on peut pas être un Rambo qui va se taper un Shantak ou un autre créature de ce genre-là à coups de couteau là. Non. Faut être dans l'ambiance. Écoute, quel genre de préparation. Moi, je suis beaucoup dans l'action, je suis beaucoup dans les enquêtes quand même quand je fais du quand je suis maître de jeu. J'ai jamais été vraiment dans l'horreur, dans le stress. Quel genre de préparation tu fais pour te préparer à ça? Ben en fait, moi, là, je vais être franc avec vous. Là. Moi, j'ai des études en théâtre dans le corps. Okay? J'ai étudié en théâtre à l'Université Laval. J'ai un background de théâtre. J'ai fait de l'impro pendant longtemps dans ma vie. J'ai joué au théâtre. J'ai fait de la pub, télé. J'ai fait une couple de trucs de ce genre-là. Donc, tu comprends que ça fait partie de ma personne. Oui. Donc, pour moi... Faut être théâtral, faut se laisser aller dans ces parties-là. Tout à fait. Puis en plus, je le répète, J'écoute, je vois des films d'horreur en quantité. Vous pouvez même pas vous imaginer la quantité de films d'horreur que j'écoute dans une année. C'est là. Ce que j'allais dire, c'est qu'au-delà de tout ça, Martin. Fallait au-delà du jeu, finalement. Oh, oui, il oui, faut que tu t'inspires par tes connaissances, par tes lectures, par tes. Moi, je lis de l'horreur. Je lis du King, je lis du Clive Barker, je lis du Graham Masterton, je lis de la BD d'épouvante, je lis Walking Dead, je lis. Faut se laisser imprégner, faut se laisser emporter. Voilà, là. C'est par tes expériences, ton vécu. Tu vois, ça, c'est un problème, je pense, que j'ai quand je suis maître de jeu. Moi, je pense sincèrement qu'avec des Donjons Dragons, malgré des fois les systèmes qui sont très axés action, très statistiques, mais moi, malgré que grâce à ça, grâce aux statistiques de Donjons Dragons, je suis capable encore de faire des maths après le secondaire. Mais on est capable quand même d'aller dans cette atmosphère-là. Mais je crois que le problème que j'ai, que beaucoup de maîtres de jeu ont, c'est que justement, comme tu dis, ils se laissent pas aller. Quand c'est le temps de faire un événement grave dans la game, on arrive, là tu dis « Bon, ben là, vous arrivez dans un village, les enfants et les femmes ont été tués, voilà. Y a des gnolls. » Voilà. « Ben, on va péter la gueule aux gnolls. » Je pense effectivement que ce genre de façon de jouer, de diriger une partie, on peut « chill ». Juste depuis que tu m'en parles tantôt, moi je suis allumé à fond. C'est un système en soi, on peut s'en inspirer tellement de la façon de jouer pour affecter aussi nos autres parties. Là. Absolument, mais écoute, de toute façon, je donnerais pas ici un cours sur l'art d'être maître de jeu. Non, c'est pas l'objectif. Ça s'apprend en jouant en fait. Oui, tout à fait, mais à Chill, c'est important quand on entre dans une maison où il y a eu un crime grave de décrire les odeurs, la tension qu'on ressent. Pour le maître de jeu, s'il incarne Igor, par exemple, le serviteur illustre de tous les films de Frankenstein, ben, pourquoi oui, pas se lever, marcher avec une bosse dans le dos, prendre ses expressions faciales, ses mouvements et sa voix, ça rend tout, puis ça change tout, puis les joueurs embarquent bien plus dans ce temps-là. Moi, c'est comme ça que je suis maître de jeu. Et je suis très descriptif. Il faut aller au-delà de la narration, il faut le vivre. Définitivement, il faut le vivre, exactement. Puis Chill, c'est un jeu qui permet ça, parce que c'est un jeu, on l'a dit tout à l'heure, c'est effectivement beaucoup un jeu d'ambiance. Les joueurs, il faut les tenir au bout de leur chaise. Il faut qu'ils se demandent, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver là, si je rentre dans cette pièce-là, qu'est-ce qui va m'arriver? Et quand ça arrive, ben avec des effets sonores, avec une musique d'ambiance, avec le maître de jeu qui sort d'en arrière de son écran en hurlant, en imitant le loup-garou qui hurle par la gestuelle. Moi, je peux vous dire une chose, j'ai des joueurs qui sautent en bas, qui tombent quasiment en bas de leur chaise. Là. Quand il est rendu minuit et demi, Ça fait 20 minutes que je leur parle sur un ton de confidence, que je me baisse en dessous de mon écran pour qu'ils me voient le visage. Rah, fait que je sors en malade, en hurlant parce que le monstre sort du garde-robe. Là. Je peux vous dire que ça fait son effet. C'est ça, mais quand on arrive dans une partie de chill, il faut entrer dans l'ambiance. Dans mon attitude de barbare level 26. Chill. Mais non, t'as pas le choix. Là. Oh, non, c'est ça. Chill, c'est pas la place pour arriver sur le party. On fait des jokes. Un petit verre de vin, une petite bière, ça va bien. Mais... Ça se fait. Si un de mes joueurs m'écoute actuellement, il va penser que je parle contre lui. Mais non. Tu le critiques? Ça se fait parce que il y a des mots. Parce que Hitchcock, on s'entend-tu que dans le maître de l'épouvante, il est dur à battre. Là? Dans le maître du suspense, je devrais dire. Hitchcock disait qu'il faut toujours avoir une soupape à l'attention. Donc, un moment d'humour, un moment de détente, parce que sinon, l'attention devient trop forte, puis ça marche plus. Ayant moi aussi fait des études en théâtre, un de mes professeurs me disait, si tu veux faire rire, faut que tu fasses pleurer, si tu veux faire pleurer, il faut que tu fasses rire. Absolument. Je te rejoins tellement là-dedans, et non, effectivement, il faut... Faut offrir une sortie à un certain moment, parce qu'à un moment donné, trop, c'est trop, puis on vient penser que c'est trop, justement. Puis tu parles à un pro, là. Oui, je veux pas le défendre, parce que c'est un vieux pote depuis... Je le vois, là, moi, je le... 25 ans, là, ça mais... fait 38 minutes qu'on parle de chill, là. Mais tu comprends que... T'as quelqu'un devant toi, là, qui drive, tu sais, 2-3 games de Blood Bowl, tu sais, en parallèle, une game de Doom à côté, tu sais, c'est... Exactement. Ben moi, je suis un joueur... Tu comprends, d'expérience, là, comme je le dis, j'ai commencé à 16 ans, j'en ai 40, j'ai jamais arrêté de jouer. Puis j'ai été maître de jeu presque tout le temps, à peu près jamais été joueur, et j'ai joué de multiples jeux, pas seulement de jeux de rôle. Tu le dis, Eric le dit, je m'occupe, écoute, ça fait 22 ans, de façon consécutive, que je suis président d'une ligue de Blood Bowl. Moi, je pense présentement qu'il est en train de montrer une alternative, parce que moi, j'ai arrêté d'être maître Entre autres, parce que j'avais de la misère à me retrouver là-dedans. Il me semble que je pense me lancer dans une histoire d'atmosphère. T'es d'une ligue à part. Je me ferais du fun en maudit. Oui, puis je vais te dire quelque chose. Là. Je parais king, là, comme on dit, mais écoute bien, là, je suis un maître de jeu paresseux. Je suis paresseux. Pourquoi je les écris pas, mes scénarios? Je déteste écrire des scénarios. Je trouve ça long et pénible à faire. C'est incroyablement long et exactement. Fastidieux. Alors moi, mes scénarios, ce sont les scénarios du commerce ou les scénarios que je trouve sur des sites de jeux de rôle. C'est correct, que je prends, que je réadapte. Je les adapte, je les change, je les mets à ma main. Mais l'important, c'est le rendu sinon, à la fin. Non, je le ferais pas, tu comprends? J'ai une fille à la maison, j'ai une femme, j'ai un travail. Je pourrais pas écrire des scénarios pour nourrir une campagne qui dure depuis 2 ans et demi. Non, c'est long. C'est pour l'avoir fait, là, c'est très, très, très, très long et fastidieux de le faire. Écoute, moi, je suis conquis. Pour les gens, on va passer à autre chose. On va continuer avec l'émission. Martin, merci beaucoup d'être passé pour avoir parlé de Chill. Ça fait plaisir. On vous a envoyé sur la page de Puissance Maximale le lien pour la page Facebook. Vous avez des questions pour Martin? Je suis pas mal sûr que c'est un gars assez crinqué et passionné et assidu. Si vous envoyez des questions sur la page Facebook, il va vous répondre. Écoute, Martin, dernière question. Au niveau quelqu'un qui veut se lancer dans le Chill, on fait quoi? Ben là, actuellement, malheureusement, quelqu'un qui veut se lancer dans le Chill, à part aller sur eBay, pour trouver des produits usagés, il n'y a pas d'autre façon. OK. À part peut-être me contacter moi, parce que quand j'ai acheté le jeu, comme on dit, j'ai tellement aimé la compagnie que je l'ai acheté, là, j'ai reçu l'inventaire de mes Fair Games. Donc, chez moi, actuellement, j'ai un petit inventaire de la deuxième édition de Chill. Alors, si quelqu'un m'écrit un message privé, par exemple, qui me dit « Martin, moi, je serais intéressé à acheter des livres de Chill pour commencer ça », ben qu'il le fasse par Facebook, qu'il m'écrive un message privé, puis on pourra s'arranger ensemble. Je sens qu'il y a un intéressant. On va se parler. Je vois une lueur dans ses yeux. Moi, le jeu de rôle, ça me parle beaucoup, puis j'aime beaucoup ce que je viens d'entendre là. Parce qu'écoute-moi, depuis que je connais ces deux moineaux-là, connais-tu Chill? Non, je connais pas Chill. Mais moi, je suis très mainstream comme roleplayer. White Wolf, D&D. C'est son bout de chemin, tu sais. C'est ça. Non, mais on va... non, donc, les gens sur Facebook, allez écrire à Martin si ça vous intéresse, Chill. Hey, après 40 minutes, là, je peux pas croire que vous avez pas allumé là-dessus. Donc, on rappelle Chill, donc C-H-I-L-L, espace RPG, comme dans Role Playing Game. Sur Facebook, vous tapez ça, vous allez trouver la page très facilement. Vous écrivez un petit message privé, vous dites « Je suis intéressé à acheter ». Je veux m'informer. Je réponds à tout le monde. Martin va vous répondre sans problème. Donc, merci beaucoup, Martin, d'être passé à l'émission. Tu vas rester jusqu'à la fin. Bien sûr, si je suis invité. On termine ça dans 19 minutes. On va vous envoyer une petite chanson. Par contre, petite discussion libre sur Star Wars là, pour finir. Parce que là, on nous a dit tantôt que Martin était aussi un grand connaisseur, fan de Star Wars. Collectionneur, on va parler Star Wars. Fan fini. Ça va être malade. Donc, on va parler Star Wars en revenant de la prochaine pause musicale. Et on vous envoie dans vos oreilles un classique, selon moi, du groupe Crampe en masse, berceuse pour les pas fins. Si vous avez une vengeance à élaborer, écoutez cette chanson-là. On vous envoie ça à Puissance Maximale sur les ondes de CJMD 96.9 FM. À Lévis! CJMD débute la journée du bon pied avec Laurence et Mathieu. Horoscope, offre d'emploi, actualité et musique entraînante. Deux toasts et demi le matin, du lundi au jeudi, 8h. La musique. Vous en voulez? En voilà. La seule station sur la rive sud. Wake up! Wake up! Grab my shirt, put a little makeup! Vous aimez ça? Ben, en voulons encore. Parce qu'on était bien de le voir au monticule. Il chic, chic, chic, chic, ça va. Il chic, chic, chic, chic, ça va. Et ça donne qu'on a les artistes d'ici aussi. C'était à l'air, ça les brilla. C'était rassemblé sur le Sperminzal. On profite du côté chaque soir au sable. La cerise sur le Sunday. Je suis content de mon ouvrage et mon métier. Je suis bien payé. Ouais ben, c'est ça, hein? CJMD 96.9, la seule radio sur la rive sud. En semaine, du lundi au jeudi dès 20h, ne manquez pas les Rois du sport avec Valier Roy et ses chroniqueurs. La comptabilité vous donne des maux de tête? Baudry Dawson Service Comptable vous allège la tâche et réduit votre niveau de stress. Tenue de livre, paye ou même transfert électronique, Baudry Dawson s'en occupe pour vous. Baudry Dawson Service Comptable, 425 Chemin des Chutes, Saint-Nicolas, 418-836-1881. Crève mon sale, t'es un mangeur de marde, un maudit crotté, un malade mental, moi te faire poignarder. Tu mériterais de te faire passer dessus par un char ou un camion à ciment. Crève mon sale, t'es un pédophile, un mangeur de crapaud, tu sens canisse d'huile, t'es un sniffeux de mort. Un liche poubelle, je te clouerais la langue dans le front, pis je te ferais dire à Nana, crève mon sale, moi te faire empailler, pis moi tirer dessus, moi dire à tout le monde que t'aimes le fuchsia. Tu mériterais juste que je t'arrache les deux yeux, pis que je les passe dans mon broyeur, crève mon sale, j'm'envoyais mon chien, pis c'est su ta tombe. Je vais aller te déterrer pour te voir pourrir. Je vais remplir ton trou avec des déchets dangereux. Puis je vais mettre le feu dedans. Crève mon sale. Crève mon sale. Crève mon sale. Crève mon sale. Crève mon sale. Crève mon sale. Crève mon sale. Crève mon sale. Crève mon sale. Crève mon sale, crève mon sale, crève mon sale, crève mon sale, crève mon sale, crève mon sale, crève mon sale, crève mon sale, crève mon sale, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale après cette excellente chanson de Crampe en masse, la berceuse pour les pas fins. J'espère que vous avez été très attentifs pendant cette chanson. Et que vous avez pris des notes. Vous avez pris des notes, effectivement. Et là, on va vous parler, mesdames et messieurs, pour les 6 minutes qui restent à l'émission, même pas. On va y aller rapidement. Il était 46. On va parler rapidement Star Wars. On va parler de ce qui s'en vient. On a annoncé une nouvelle trilogie. La part de Disney. Ouais, ben ça, les gens ont capoté, mais on rappelle que Disney, c'est eux autres qui ont Marvel, c'est eux autres qui ont fait Avengers, OK? Un excellent film de super-héros. Ils ont aussi fait de la crap, par exemple. Ils ont quand même fait John Carter, ils ont fait... aussi. C'est ça, moi, j'ai une peur quand même. Mais ils ont acheté les studios, c'est quand même des studios qui gèrent... Ça va être LucasArts, sous Disney, là. Ouais, mais en fait, on sait maintenant que J.J. Abrams sera supervisé par George Lucas. George Lucas agira comme consultant créatif. Ouais, c'est il ça. Il aura là, quand même là, un mot ça. À dire, mais bon, pour certains, George Lucas, il est plus dedans, là, mais c'est l'autre débat, ça. George Lucas, son gros problème, c'est la réalisation. Il aurait jamais dû réaliser un Christy de film parce que les pires films de la série, c'est lui qui les a réalisés. Ben, sauf l'épisode 4, là. Empire Strikes Back. Empire Strikes Back, c'est le meilleur. Le gros. T'sais, on s'entend-tu qu'on a quelque chose d'assez solide entre les mains? Il est fétiche, hein? C'est... Non, je sais pas, tout le monde, tu sais. C'est unanime, tout. La réaction est unanime chez les fans. Le cinquième film, ouais. The Empire Strikes Back, c'est le meilleur. C'est ça qui est ça. C'est un film même fétiche, la critique, hein. La critique l'admet ou l'a dit aussi, de toute façon. Ah, la prélogie. Mais écoute, tu as dit une information qui n'est pas tout à fait vraie. Mais vas-y. Disney a confirmé. Non pas une nouvelle trilogie, mais bel et bien 5 films. Ah ouais? Une trilogie qui sort aux 2 ans, et entre chacun des films, un spin-off. Donc, une pentalogie? Genre. Les spin-offs, c'est encore au stade de rumeurs, ça serait quoi, mais il y a de grosses chances qu'on voit un film sur Boba Fett et un film sur Han Solo. Oh yeah. Oh. Ce sont les rumeurs les plus sérieuses actuelles. Écoute, j'ai une question à te poser, Martin. Moi, je viens de me replonger dans l'univers Star Wars avec les films. J'ai écouté les 6 films. As-tu écouté les séries de Clone Wars? C'est ça que j'allais te demander. Je veux me lancer dans Clone Wars. Moi, j'ai été rebuté parce que j'avais... Tu sais, quand les films, la prélogie est sortie, ils ont comme sorti une série de petits épisodes oui. Qui étaient comme avant Clone oui. Wars, mm-hmm. qui était pas en 3D, qui était du 2D. Exact. J'ai fait... quand Clone Wars est sorti, je fais « Ah non, non, c'est pas pour moi. D'après toi, est-ce que je dois me lancer? » Écoute, c'est sûr que ça vise un public cible un peu plus jeune. On va se comprendre. Ben, cependant, j'ai vu quand même des scènes sur YouTube. Oui, parce que oui, il y a de la violence, effectivement. Là, mais n'empêche, c'est des histoires. Mais mon problème avec la série Clone Wars en animation 3D, là, c'est que ça devient répétitif. Il y a cinq saisons. Je suis présentement en train d'écouter la cinquième saison. Ça devient répétitif. À un moment donné, là, des batailles contre des droïdes de combat, on en a vu assez. Déjà dans le deuxième. Okay? Et c'est ce qui me fait capoter un peu. Mais par contre, la série en dessin animé, la micro-série en dessin animé, c'est jouissif. Il y a combien d'épisodes dans cette série-là? Il y en a très peu. En fait, ça tient sur deux DVD, mais l'écoute totale, ça doit faire à peu près 2 heures. Là. Moi, je trouve ça intéressant qu'on fasse le lien justement entre... les films, justement, là, entre l'épisode 2 où on a des clones, puis l'épisode 3 où c'est la guerre globale dans l'univers, tout le monde se tape dessus. Exactement. Ben là, on a ce lien-là, je trouve ça franchement intéressant. Le personnage du général Grievous qui apparaît dans l'épisode 3 a été en fait introduit dans la micro-série en dessin animé. Ouais, c'est ça, on l'avait vu. En fait, c'est ça, avant, je pense que c'est ça, la série en dessin animé est sortie entre le deuxième et le troisième. Exactement. J'avais vu le général Grievous, j'ai fait « Oh, il va être solide ». Oui, effectivement. Ouais, c'est ça. Dans l'épisode 3, j'ai fait pas aussi badass que dans la série animée. Exactement. Là. Mais là, moi, je vais me lancer. Pareil, je veux me faire mon idée. Là, ce qui s'en vient avec la nouvelle trilogie, les prochains films, là, pour pas encore m'embourber dans la mauvaise information. écoute, il n'y a pas eu de confirmation à savoir si ça allait être dans l'univers. Là, on a une minute pour en parler. Dans l'univers élargi des romans puis des graphic novels. Assurément, ça ne sera pas une adaptation d'une histoire qui a été écrite aujourd'hui, qui est écrite. Ce ne sera pas une adaptation d'un roman ni d'une bande dessinée. On parle d'une nouvelle histoire. Est-ce que tu trouves ça, en finissant, est-ce que tu trouves ça dommage qu'on ne se sert pas de tout ce matériel-là qui est écrit? On va s'en servir. Les personnages qui existent dans l'univers étendu seront dans le film. Jenna Solo, Jason Solo, Ben Skywalker, les enfants donc de Léa et de Han Solo, l'enfant de Luke et de Mara Jade seront dans le film. Donc on utilise le matériel. Et en plus, il y a l'information que je t'ai donnée tantôt de New York Comic Con que la série Koto Bouya machin, que je me rappelle jamais le nom complet, de figurines, qui a commencé à sortir des figurines de ces personnages-là en fait, mais vraiment des statuettes solides là. Puis j'ai entendu parler aussi que Mark Hamill, qu'on avait Harrison Ford puis Carrie Fisher qui était pour une apparition dans les prochains films. Voilà. On va espérer. Écoutez, on lance des informations comme une petite discussion rapide. C'est déjà la fin de Puissance Maximale. Merci beaucoup, Martin Caron, d'être passé pour nous parler de Star Wars et surtout de Chill. Allez voir ça sur Facebook, on vous en a parlé tantôt et Andrew l'a mis sur la page Facebook. Merci beaucoup, Eric. La jeunesse d'être passé pour nous parler bière. On vous a parlé de la bière, je vous rappelle ça rapidement, Kronen, le microbrasserie Kronen de Der Drachenorden. Donc, bière, l'ordre du dragon. Ton allemand s'améliore à chaque bière. À chaque bière, mon allemand s'améliore. Merci beaucoup, monsieur Castegan, d'avoir été à la console et d'avoir été fidèle comme à ton habitude. Merci beaucoup. Ouais, t'as dit comme à notre habitude. À notre, ton habitude. C'est toi qui s'en occupe. Je suis pas comme rendu comme les deux snooze. On tombera pas sur une discussion sur notre poids, là. Non, on finira jamais. Mon nom est Mickaël Michaud, votre animateur, toujours content d'être là à chaque semaine pour vous parler jeu. On vous rappelle rapidement que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Pour aller écouter toutes nos anciennes émissions, podcasts et entrevues, allez sur Facebook, tapez Puissance Maximale, vous allez nous trouver très facilement. Allez appuyer sur le bouton j'aime parce qu'on vous aime, mesdames et messieurs. Et comme ça, vous allez avoir accès à des nouvelles, aux pages qu'on met en ligne pour nos invités. C'est la meilleure façon de le faire. Et en terminant, mesdames et messieurs, on vous aussi CJMD. On vous le rappelle, 96.9 sur Facebook. Allez aimer la page. Contactez Joey aussi si vous êtes intéressé à la visibilité côté radio, côté web. Voilà. Et je vous rappelle, en terminant, comme à chaque semaine, de passer une excellente semaine de jeu. Little harmonica. I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew.